الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنزلنا إن شاء الله تعالى مع صحيح قصص الأنبياء واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتم قصة آدم وقد انتهت لم يبقى إلا الكلام على وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونشرح في قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام on est toujours avec la vie des prophètes aujourd'hui cette soirée إن شاء الله تعالى on a terminé avec la vie d'Adam عليه الصلاة والسلام il ne reste que on parle de sa mort et on rentre directement inchallah ta'ala dans la vie de Nuh alayhi wa ala nabiyyina salatu salam An Utay wa huwa ibn Dhamra al-Sa'di qala ra'aytu shaykhan bil madinati yatakallam fa sa'altu anhu ya quelqu'un qui a dit radiyallahu ta'ala anhu il a dit j'ai vu un vieux en train de parler j'ai vu un vieux en train de parler. Alors il a dit, j'ai demandé les gens, qui est celui-là? قالوا هذا أبي بن كعب. Ils ont dit celui-là, c'est أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. مهاجر شتون بلو بون روج بسلام بارك الله فيك. فقال donc il a dit, il a entendu أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه dire. إن آدم لما حضره الموت il leur disait Adam alayhi salam lorsqu'il agonisait ou là lorsqu'il allait mourir juste où il allait mourir qala li banih ay bani il a dit à ses enfants oh mes enfants inni ashtahi min thimar al-jannah inni ashtahi min thimar al-jannah ça veut dire que je souhaite ou là je voudrais manger des fruits du paradis je voudrais manger les fruits du paradis donc ses enfants quand ils l'ont entendu dire ainsi ils sont allés lui chercher aller où ils vont trouver ses fruits ils sont partis dans la ville chercher où ils peuvent lui trouver ses fruits bien sûr lui sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit cela ça veut dire qu'il a senti qu'il allait mourir car les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ne meurent jamais sans que on leur fasse choisir donc quand il a dit je voudrais manger les fruits du paradis ça veut dire je voudrais mourir pour aller au paradis etc. Eux, bien sûr, ils n'ont pas compris. Ils ont cru qu'ils devaient aller chercher ça dans un marché ou je ne sais pas où. C'est pour ça qu'ils sont allés donc chercher ces fruits quelque part. فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَمَعَهُمْ أَكْفَانُهُ وَحَنُوتُهُ Lorsqu'ils étaient dans la ville en train de chercher ou acheter les fruits ou bien on les trouvait, ils ont rencontré les anges. Ils ont rencontré les anges qui... Non, il peut rentrer, comme je dis. Donc les anges, ils ont rencontré les anges avec quoi? Avec son cercueil, le cercueil de Adam alayhi salam et tout ce qu'il y a avec le cercueil. Ils ont trouvé déjà, tout était préparé chez les anges. Ils ont dit, Aina tadhhabun. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Où allez-vous comme ça? Vous paraissez, vous cherchez quelque chose, etc. Ils ont dit, Abuna Marid, notre père est malade, Ushtaha Minti Marid Jannah. Et il voudrait manger les fruits du paradis. Comme ça qu'ils n'ont pas compris. Il voudrait manger les fruits du paradis. Ils leur ont dit, revenez. Qad qada abukum. Votre père, khalas, il est mort, il va mourir dans quelques instants, c'est tout. Faja'u, falamma ra'athum Hawa, arafathum, faladat bi Adam. Lorsqu'ils sont revenus à la maison, et bien sûr les anges derrière eux, dès que Hawa alayhi salam les a vus, elle les a reconnus. Elle a su que ce sont les anges qui sont venus prendre l'âme de son mari. Elle est allée vers Adam et elle, comment dirais-je, elle a pris sa main ou elle s'est serrée contre lui. Yani, elle voulait pas qu'il la sépare. Elle voulait pas qu'il la sépare. فقال آدم عليه السلام إليك يعني آدم عليه السلام lui a dit éloigne-toi de moi فإني إنما أوتيت من قبلك. D'ailleurs c'est ta faute que yani, tout ce qui s'est passé, on est là sur terre, ça c'est ta faute, c'est toi qui m'a, il veut dire c'est toi qui m'a poussé à manger de l'arbre, soit qui m'a poussé à manger de l'arbre comme on l'a cité yani, dans son endroit. فخلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل. Laisse entre moi et mes anges. Voyez, les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne rentre pas au milieu. Laisse-moi, c'est entre moi et les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqabadu. Ils ont pris son âme. Wa ghassalu. Ils l'ont lavé. Wa kfanu. Ils l'ont couvert de draps, etc. Wa hannatu. Ils lui ont mis, yani, ra'iha, comme du musc, etc. Wa hafaru lahu. Ensuite, ils ont creusé un trou. Wa lahadu. Elles sont là quand ils rentrent quelqu'un dans la tombe, on ne rentre pas directement, comme pour les chrétiens. Ils rentrent directement, ils le posent dans la tombe, comme on fait partout, dans beaucoup de pays, comme en Algérie, etc. Mais le vrai, c'est de quand on creuse la tombe, on creuse encore à gauche de la tombe, on creuse un trou comme ça, qui va de longueur. Ça s'appelle l'ahd. C'est pour ça qu'il a dit ici, وَلَحَدُهُ. Ensuite, ils ont fait la prière sur lui. Ensuite, ils l'ont mis dans le trou, la tombe. Ils l'ont mis dans la tombe. Ensuite, ils ont jeté sur lui de Torah, de la terre. Ensuite, ils ont dit à leur fils, « Ya bani Adam, hadi sunnatukum. » Ô enfant d'Adam, c'est celle-là, yani la façon dont vous devez faire. C'est comme ça que vous devez faire quand quelqu'un meurt. C'est comme ça qu'on doit faire quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire on l'enterre, etc., etc. Parce que, bien sûr, c'est la première fois qu'il voyait cela. Hadithun sahih. Hadithun sahih. Wakhtalafu fi miqdari Umar alayhi salam. Ils se sont, les ulama ont divergé sur combien Adam alayhi salam a vécu. An Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة مرفوعا أن عمره كتب في اللوح المحفوظ 1000 سنة. Et ça, c'est le plus juste. D'après Abi Huraira et Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهم, qu'il a vécu 1000 ans, que Adam alayhi salam a vécu 10 siècles. C'est ça, inshallah ta'ala, le plus juste, parce qu'il y a des divergences. Ensuite, نبدأ inshallah ta'ala, on commence بإذن الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه السلام. قصة نوح عليه السلام. Certains ulama disent, mais j'ai pas trouvé un hadith sahih ou là, c'est yani, beaucoup noté dans les tafsir, etc. Ils disent que Nuh alayhi salam, on l'appelait Nuh à cause de Naha. Naha en arabe, il a beaucoup pleuré. Naha ya Nuh. Ils disent que tellement il a pleuré qu'on l'appelait Nuh. Mais je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il n'y a pas un hadith ou un verset qui dit cela. Mais beaucoup disent cela. Ils disent on l'appelait Nuh parce que Naha Kathiran. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré, bien sûr, il devait savoir qu'il est resté 950 ans seulement à faire la da'wah, et il n'y a que très peu qui l'ont suivi. C'est pour ça qu'il a beaucoup souffert avec Qawmuh. C'est pour ça qu'il y a 5 grands prophètes qui ont beaucoup souffert. Blazer les a appelés dans le Coran Ulul Azm. Ulul Azm, ce sont les 5 prophètes qui ont le plus souffert avec leur peuple. Entre autres, bien sûr, c'est qui? Entre autres, c'est Nuh alayhi salam. Il est l'un des 5. Kana mawlidu ba'da wafat Adam. Il a Nuh alayhi salam, il est venu au monde après qui? Après la mort de Adam alayhi wa nabiyyina sallallahu alayhi salam. Wa kana baynahuma 10 qurun. Il y avait 10 siècles entre, c'est-à-dire 1000 ans entre la mort d'Adam et la venue de Nuh alayhi salam. Donc Adam, quand il est mort, alayhi salam, il est mort après, il y a eu 1000 ans, ensuite est venu au monde Nuh, alayhi wa nabiyyina sallallahu alayhi salam. An Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, il y a quelqu'un qui a dit, ya Rasulallah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, an nabiyun kana Adam, est-ce que Adam était-il un nabi, était-il un prophète? Qala, le prophète alayhi salam a répondu, na'am, mukallam, yani, un prophète et à qui Allah Azza wa Jal a parlé, Mukallam, il parle de Adam alayhi salam. Ala fa kum kana baynahu wa bayna Nuh. C'est la deuxième question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien avait-il yani, de temps ou là entre lui et Nuh alayhi salam? Le prophète alayhi salam a répondu 10 quron, 10 siècles. 10 siècles entre Adam et Nuh alayhi salam. C'est un hadith sahih, sahih Sheikh al-Albani. والحاكم الذهبي ابن حبان الى والاخرون دونك dans un autre hadith il a dit عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان بين ادم ونوح 10 قرون il y a eu entre ادم et نوح 10 siècles il a ajouté quelque chose il a dit كلهم على الاسلام كلها على الاسلام يعني les 10 siècles c'était tous يعني sur l'islam, yani les gens qui vivaient pendant les 10 siècles, c'était quoi? C'était l'islam. L'islam, ça ne veut pas dire bien sûr l'islam que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que tous les prophètes sont venus avec l'islam. Tous les messagers, tous les prophètes sont venus avec l'islam. Tous les gens qui ont suivi leur prophète en leur temps, ce sont des musulmans. Tous. Tous. Toute personne qui a suivi son prophète est une musulmane, musulmane. Pourquoi? Parce qu'elle s'est soumise. L'islam, c'est quoi? C'est la soumission. Je me suis soumis à ce que m'a dit mon prophète en ce qui concerne Allah Azza wa Jal qui l'a envoyé. Donc, en ce sens, je m'appelle musulman. C'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam a dit dans le Coran, sauf le Baqara, Rabbana waj'alna muslimayni lak wa min dhurriyyatina. Il a fait un doua, il a dit, oh Allah, fais de nous des musulmans, moi et Ismaïl. Rabbana waj'alna muslimayni lak wa min dhurriyyatina. Et de nos enfants aussi. Donc chaque personne qui a suivi son prophète, ça s'appelle une musulmane. C'est pour ça qu'entre entre Adam et Nuh, c'était tous des musulmans. Il n'y avait pas encore ce qu'on appelle le shirk, la mécréance, etc. Ils étaient tous des musulmans. Ensuite, maintenant, et يقول المؤلف رحمة الله وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله عز وجل لما عبدت الأصنام والطواغيت. Et ensuite, quand ça a commencé à changer, ça a commencé à changer, yani, le shirk, etc. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Nuh alayhi salam. Quand les gens ont commencé à changer, leur nature a commencé à changer, ils ont commencé à s'éloigner de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Tawhid et de Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Nuh alayhi salam. فَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ بُعِثَ إِلَى الْأَرْضِ. Donc Nuh alayhi salam, c'est le premier messager envoyé sur terre. C'est le premier messager envoyé sur terre. كَمَا يَقُولُ أَهْلِ الْمَوْقِفِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Comme disent les gens, yani, quand ils seront le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'ils diront quand ils auront, yani, ils voudront qu'il y a quelqu'un qui fasse l'intercession, ils iront chez Adam alayhi salam, ils disent c'est pas moi, allez chez Nuh alayhi salam, innahu awwal rasul. Il leur dira donc c'est le premier qui a été envoyé sur terre, c'est le premier messager. Ensuite Allah Azza wa Jal a cité l'histoire de Nuh, yani très longue dans le Coran, très longue avec beaucoup de versets dans différents endroits, parce que c'est l'un des cinq qui sont les plus, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Ulul Azm, les cinq yani, qui ont beaucoup souffert. C'est pour ça que on trouve beaucoup, yani, ce qu'il y a sur lui dans beaucoup d'endroits dans le Coran, comme en ce qui concerne Ibrahim, comme en ce qui concerne Moussa, etc. Maintenant, je vais dire seulement quelques ayats comme ça. Par exemple, ici il dit كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ نُوحٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. Il a dit ensuite, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين إلى آخر الآية. Maintenant je voudrais parler un peu de ce qui s'est passé avec lui صلى الله عليه وآله وسلم et les gens avec lesquels il vivait. On a dit que il y a eu 10 siècles entre Adam a.s. et Nuh a.s. Les 10 siècles étaient tous yani, sur l'islam. Étaient tous sur l'islam. Ensuite, yani, ça a commencé petit à petit à changer. C'est pour ça que le Bukhari, alayhi rahmatullah, a cité un hadith, a rapporté un hadith à Abdullah ibn Abbas, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dans ce verset exactement, Nuh, sort Nuh, verset numéro 23, il est dit, قال هذه أسماء عبد الله بن عباس كيديا هذه أسماء رجال صالحين أسماء رجال صالحين من قوم نوح. Donc les quatre noms que je viens de dire, ولا تذرون ودا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق. Les quatre noms هذو ود سواع يغوث ويعوق, c'était des gens très très pieux, c'était des gens très très pieux au temps de avant Nuh alayhi salam, c'était des gens très très pieux. Quand ils sont morts, ces quatre gens, ces quatre personnes qui étaient très très pieuses, awha ash-shaytan ila qawmihim, le shaytan, la'natullah alayhi, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, yani à la génération qui existait en ce temps-là, il leur a dit, ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Il leur a dit, pourquoi vous n'essayez pas de faire comme ça des statues dans les endroits où ces quatre personnes restaient. Chaque personne de ces quatre avait un endroit où elle s'asseyait, avait les gens qui leur demandaient par exemple les fatwas, etc. Ils étaient très pieux. Alors le shaitan il leur a dit, pourquoi, je vais vous donner une très bonne idée, pourquoi vous n'allez prendre, vous la prenez pas, allez à chaque endroit où s'asseyait là l'une de ces personnes pieuses et construisez là-bas une statue. Et appelez-la la statue avec le nom de cette personne pieuse. Non, chaque statue, faites quatre statues, chaque statue avec le nom de cette personne pieuse. Qal fa fa'alu fa lam tu'bad. Ils ont fait, bien sûr, ils ont dit ça, c'est une très bonne idée. Le shaitan peut bien sûr te donner des choses que tu crois toi, c'est bien, mais en fin de compte, c'est juste pour. C'est l'enfer, le résultat c'est l'enfer. Mais des fois ils te donnent des choses comme ça, les gens qui ne connaissent pas bien le din ou là, ils croient qu'il fait de la nasiha, il est bien. Donc ils ont construit les statues, mais alhamdoulilah, elles n'ont pas été adorées. C'est comme un peu, si on peut dire, le musée. Les gens allaient les voir, ils disent bien sur des statues avec le même visage, etc., les personnes qui sont mortes et le même nom en même temps. Et comme maintenant par exemple on voit la statue d'Hitler, là on voit la statue de Ho Chi Minh ou là n'importe quelle personnalité très connue. Donc alhamdoulillah, personne n'a adoré ces statues, ils allaient juste pour les voir. Hatta idha halaka ulaik, jusqu'à ce que cette génération qui a construit ces statues est morte, وانتسخ العلم, et les gens, ils n'avaient plus d'ilm, les nouveaux qui sont venus bien sûr n'avaient maintenant plus d'ilm, ceux qui avaient la génération qui avait du ilm, etc., étaient mortes. Rubilet, c'est à ce moment là qu'ils ont commencé à adorer ces statues. Dans un autre hadith il est bien montré comment ça s'est passé. Il a dit, فلما انقرب الجيل الذين صوروهم, il a dit, lorsque la génération de ceux qui ont construit ces statues, la génération s'est éteinte, il n'y avait plus personne d'eux, il a dit, fa'atahum shaytan. Le shaytan est allé à la nouvelle génération, yulabbisu alayhim, il leur fait des problèmes, des ambiguïtés, etc. Fa'alahum, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, inna al-awwalin wa ajdadakum. Ceux qui étaient avant vous, et vos grands-pères et vos aïeuls, etc., كانوا يعبدون هؤلاء ويستقون بهم. Lorsque vos grands-pères, à chaque fois qu'ils avaient des problèmes de pluie ou la pluie ne tombait pas, ils venaient chez ces statues et ils faisaient des doigts et la pluie tombait. كانوا يعبدونهم ويستقون بهم. À chaque fois qu'ils avaient des machakins, ils venaient là, ils faisaient des doigts, chacun, ils faisaient un doigt à la statue et ça marchait très bien. Et c'est en ce sens que le shaitan les a eus. Ensuite ils ont commencé à adorer les statues, alors que ces quatre personnes, comme je le dis, c'était des personnes très pieuses qui n'ont rien à voir bien sûr avec ces choses là c'est pour ça que quand on dit par exemple celui-là, on dit c'est un waliullah, on dit celui-là waliullah, dans chaque ville, par exemple, dans chaque c'est pas endroit, on dit ici est mort un waliullah. C'est X. On dit même Sidi Foulan, Sidi Zakaria, Sidi Abdurrahman, Sidi Yaqub, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Là, il faudrait que vous sachiez deux choses très importantes. Très très importantes. La première, c'est que ce n'est pas très sûr que dans cet endroit exactement, il y a le bonhomme que tu dis toi, c'est Sidi X ou Sidi Y. C'est pas très sûr. Où est la preuve? Où est la preuve? Même autant, par exemple, en Algérie, autant des colons, etc., autant des Istiamar, ils disaient que quand ils voulaient, par exemple, il y a par exemple une forêt ici, ils voulaient, par exemple, ils voulaient faire une route, par exemple. Ils disaient, au lieu de faire venir les tracteurs, etc., etc., il suffit seulement, par exemple, de prendre un chien. On prend un chien, on creuse ici un trou, on le met à l'intérieur. Ensuite, on bâtit ce qu'on appelle Qubba. On bâtit une petite bâtisse comme ça, une sorte de mosquée. On appelle les gens, on leur dit, celui-là c'est Sidi X. Sidi Omar, Sidi Othman, Sidi Kala. Et les gens et les hommes et les femmes commencent à courir. Commencent à courir avec les bougies, avec les œufs, avec leurs enfants sur la tête, etc. Ils disent 15 ou 20 jours, là, la forêt est défrichée. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a rien. C'est devenu une route. Ensuite, c'est très facile pour la goudronner. Donc, c'est plein d'endroits où on dit c'est Sidi, Sidi, mais il n'y a rien Sidi, il n'y a pas à l'intérieur Sidi. Il y a peut-être un animal ou peut-être il n'y a rien. C'est juste comme ça, ça a commencé. Il y a même des gens très très, comment dirais-je, très intelligents, et des soufiades, très intelligents, qui voulaient de l'argent. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils étaient 4 ou 5 ou là une famille, ils s'accordaient, ils disaient voilà, hop, on va construire ici quelque chose, on va l'appeler Sidi X. Et petit à petit les gens commencent à venir, chacun dit à l'autre, de bouche à l'oreille. Ensuite, ce vendredi, il y a 100 qui viennent, ensuite 1000, ensuite 2000, ensuite ça devient comme le Hajj. Au lieu de partir au Hajj, on part chez Sidi Foulan, on prend des œufs, et alhamdoulilah, si on n'a pas d'enfants, on va les avoir très vite. Si on est malade, on va guérir sur le champ, alhamdoulilah. Et ils vont là-bas. Mais c'est la première des choses. La première des choses, c'est que ça, dans certains endroits, il y a des gens qui sont pieux, qui sont morts là-bas. Je ne parle pas spécialement d'Algérie, je parle du monde arabe. Même en Égypte, c'est plein de Sidi. En Égypte, c'est plein de Sidi, et peut-être le chiffre qu'il y a là-bas, il n'y a même pas en Algérie, peut-être, le chiffre qu'il y a là-bas. C'est pour ça que, quand je disais que des fois c'était faux, beaucoup de fois c'était faux, par exemple Zainab, on appelle Lalla Zainab. Zainab, elle est très connue, comme vous devez savoir. Celle-là, Zainab, elle est rahmatullah, si vous allez, si vous faites des recherches, vous allez trouver qu'on va vous dire elle est enterrée dans 5 ou 6 endroits. Vous allez au Liban, on va nous dire on a Zainab ici. En Syrie, il y a Zainab. En Égypte, c'est très connu Zainab. En Flavibi, Zainab. Donc comment se fait-il Zainab? Elle est morte 4 fois, 5 fois. Comment se fait-il? Donc ça veut dire que quoi? C'est du kdeb fi kdeb. Dernier mensonge fi mensonge. Peut-être qu'il y a un seul, où elle est vraiment, bien sûr. Et les autres, tout ça, ce sont des mensonges. Et peut-être les 4 ou 5 endroits où ils disent c'est là Zainab, il n'y a pas Zainab. Peut-être qu'elle est dans un autre endroit que personne ne connaît. Surtout les Shia, ils sont très connus pour cela. Les Shia, c'est les adorateurs des tombes et des morts. Ils adorent le mort plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils adorent le Hussein, et ils l'aiment plus que n'importe qui, plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, peut-être plus qu'Allah. Quand ils veulent tomber, ils disent, il y a le Hussein, il y a Ali. Et s'ils ont des problèmes, c'est directement le Hussein. Et son frère, pourtant son frère, Al-Hassan. Al-Hassan n'est-il pas son frère? Certains disent que ce sont des jumeaux, ce ne sont pas des jumeaux. Il y a un an entre les deux. Et pourquoi Al-Hassan, il ne parle de lui? Il parle seulement de Al-Hussein. Pourquoi il ne parle jamais de Al-Hassan? Ce n'est pas son frère, ce n'est pas le fils de Fatima aussi et de Ali. Pourquoi seulement et spécialement Al-Hussein? Parce que Al-Hassan, vous savez pourquoi il ne parle jamais de lui? Il le déteste même, il le déteste. Et malgré que Ibn Taymiyyah et les autres ont dit qu'il a été mort empoisonné. Il a été mort empoisonné. Parce qu'eux, ils disent, le Hussein, on l'a tué, etc. On l'a tué, le Hussein. Le Hassan aussi, on l'a tué, il est mort empoisonné. Pourquoi vous faites tout cela pour le Hussein, vous ne faites pas pour le Hassan? Vous savez pourquoi ils ne font pas? Parce que le Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète lui a dit une fois, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Bukhari, il lui a dit, asallahu an yusliha bibn hada bayna ta'ifatayn 'azimatayn min muslimin. Il a dit, je souhaite que Allah Azza wa Jal avec mon fils celui-là, ou bien par mon fils celui-là, il parle de Hassan, qu'il fasse, yani, va y avoir yani, de grands problèmes entre deux grandes taïfatines, deux grands groupes de musulmans, deux grands groupes, il va y avoir de très très grands problèmes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de celui-là quelqu'un qui sera yani, celui qui réglera leurs problèmes. Et en effet, ça, lorsqu'il y a eu les grands mashakils entre Ali radiallahu ta'ala anhu et Muawiya radiallahu ta'ala anhu, entre parenthèses, celui qui sait qu'il est dans un endroit où il y a beaucoup de chiites, etc. Et bien sûr, c'est-à-dire il est fort, il n'a pas peur d'eux, par exemple, qu'il appelle son fils Muawiya. Non, Muawiya, c'est pour eux le plus grand shaitan du monde. Alors, pour leur montrer, aussi j'ai un fils, j'habite devant les chiites, je l'appelle Muawiya. Pourquoi ? Parce que pour qu'il meure, il meure d'eux, c'est-à-dire pour qu'il ne puisse plus dormir ni manger. Et quand tu leur dis Muawiya, ça y est, nous on dit Muawiya radiallahu ta'ala anhu. Et c'est pour ça se trompent beaucoup les gens qui, lorsqu'ils parlent de l'islam, ils disent il y a cinq khalifas, cinq grands khalifas. Qui sont ? Dis-les-nous. Il te dit Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et Omar ibn Abdul Aziz, le cinquième khalif. On dit c'est faux, smahli, c'est pas celui-là. Omar, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et Muawiya radiallahu anhu. Voilà les cinq grands khalifs, les premiers. L'autre il vient après, Omar ibn Abdul Aziz. Beaucoup sont Muawiya, beaucoup. Ils ne savent pas ses mérites. Ils ne savent pas que c'est Khalul Mu'minin, Khaluhum. C'est l'oncle, c'est notre oncle, c'est mon oncle, c'est ton oncle. Sa sœur Ramla, n'est-elle pas la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous avez oublié, sa sœur, il n'a pas une sœur qui s'appelle Ramla. On l'appelle, sa cunia c'est Habiba. Habiba, qui était en Éthiopie avec son mari. Son mari est devenu là-bas chrétien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousé. Son wali c'était qui? C'était le négus d'Al-Habasha. Il a, parce qu'elle n'a pas de wali. Il l'a marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une de ses femmes s'appelle Habiba Ramla. Son frère c'est qui? Son frère c'est Muawiya radiallahu ta'ala anhu. Et puisque la femme du prophète c'est notre mère, donc Muawiya c'est mon oncle. Moi Muawiya c'est mon oncle, c'est mon vrai oncle. Vous aussi Muawiya c'est votre oncle. Celui-là il ne faut pas l'oublier, c'est le cinquième khalifa radiallahu ta'ala, le cinquième grand khalifa des musulmans. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de Hassan, il a dit je souhaite que Allah azza wa jal fasse de celui-là quelqu'un qui unit entre deux grands groupes musulmans, yani, qui auront des mashakil. En effet, lorsque Ali radiallahu ta'ala anhu avait des problèmes avec Muawiya radiallahu ta'ala anhu, ensuite Ali est mort, qui a pris sa place? C'est le Hassan qui a pris sa place. Et donc maintenant le Hassan, c'est lui qui va avoir des problèmes avec Muawiya. Yani, le Hassan à la place de son père qui avait des problèmes avec Muawiya, donc le Hassan va avoir des problèmes avec Muawiya radiallahu ta'ala anhu. Mais le Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait seulement six mois. Il est resté 6 mois au gouvernorat. Ensuite, il a appelé Muawiya et lui a dit « Prends le gouvernorat, barakallahu fik, moi j'en ai pas besoin, moi j'aime que vous unissiez. » Et voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont unis grâce à Al-Hassan radiallahu ta'ala. Donc eux, pourquoi ils n'aiment jamais Al-Hassan? Et jamais tu leur dis Al-Hassan, ils crachent, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le gouvernorat à Muawiya radiallahu ta'ala. Et Muawiya c'est qui? Le plus grand ennemi des chiites. Donc Al-Hassan c'est le plus grand aussi, c'est l'un des plus grands ennemis des chiites. Pourquoi? Parce que l'ami de mon ennemi c'est mon ennemi. L'ami de mon ennemi c'est mon ennemi. C'est pour ça qu'ils font cette différence. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit Al-Hassan radiallahu ta'ala. Le prophète sallam a vanté ses mérites, il a flatté. Il a dit Inch'Allah celui-là il fera cette chose. Allah Azza wa Jalla lui a exaucé. Il a fait de lui. C'est lui qui a uni entre Muawiya radiallahu ta'ala et les soldats de Ali radiallahu ta'ala. Wallah, je ne sais pas où j'ai été comme ça, je ne sais pas, des fois je sors comme ça, tellement j'ai dans le cœur, yani, je ressens Agda contre les chiites, tellement j'ai dans le cœur de ce qu'ils font de l'islam, comment ils le rendent moche, comment ils font fuir les gens de l'islam, comment ils donnent une très très mauvaise image d'islam, comment ils se frappent avec les barres de fer. Ils se frappent avec les chaînes sur la tête et les épées. Ils te frappent avec l'épée. Va frapper les Yahoud qui te frappent. Voilà maintenant les Yahoud qui t'envoient des missiles. Ils tuent des centaines de personnes qui n'ont rien fait. il les tue chaque jour. Et toi, tu te frappes, tu te frappes avec la chaîne. Rentre dans ta chambre et frappe-toi. Frappe-toi, fais couler le sang. Et laisse les ennemis, tes ennemis, les ennemis d'Allah et les ennemis des prophètes, les tueurs des prophètes, les juifs, laisse-les là-bas t'envoyer des missiles. Et toi, va prendre une chaîne et frappe ta tête, et frappe tes enfants, et frappe ta femme. Voilà comment tu dois faire. Je disais que, donc ensuite, je disais que, il y a des endroits où vraiment, il y a des gens qui sont enterrés, ils se sont sachés des pieux. Naam. Mais j'ai pas terminé avec l'awliya. Donc, ce qu'on enterre, il y a des fois, des pieux qui sont enterrés. Naam. Des grands ulama, etc., des pieux qui sont enterrés. Mais ceux-là, ceux qui sont enterrés, et les pieux, je parle des pieux maintenant, ceux-là, ils n'ont aucune relation avec toi. Ça veut dire moi, toi. Ce n'est pas, je vais faire des péchés comme font les djuhad, les ignorants. Il va faire plein de péchés. Ensuite, il va courir chez le pieux Ada, le wali, et il va dire, oh wali, aide-moi ceci, aide-moi cela. C'est impossible. C'est pourquoi? وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَسَعَ. C'est Allah Azza wa Jalla qui dit ça dans le Coran. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَسَعَ. Que personne n'aura que ce qu'il fera de lui. Naam. Si moi je meurs, khalas. Mon frère, mon père vont faire les prières pour moi, vont faire la prière à ma place, vont faire la zakat à ma place. C'est pas possible, ça s'accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui, lorsque j'étais vivant, je devais faire. C'est pas lorsque je meurs qu'il y a d'autres gens qui vont faire à ma place. Allahumma, sauf si j'ai des dettes. J'ai des dettes de Ramadan, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Mais les choses que je n'ai pas faites, Yanni, les obligations que je n'ai pas faites, sans raison, personne ne peut les faire à ma place. C'est pour ça que certains qui croient que quelqu'un, par exemple, qui est mort, on va devant sa tombe, par exemple, on va prendre le Coran, on va lui lire. On va lire le Coran. Au contraire, à quoi ça sert-il le Coran? Alors, lui, lorsqu'il était vivant, peut-être qu'il n'aimait pas lire. Il aimait lire le Figaro. Pourquoi tu vas lire toi à sa place? Et lui, il devait lire quand il était vivant. A-t-il lu? S'il a lu, alhamdoulilah. S'il n'a pas lu, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est une adoration, c'est une ibada entre lui et Allah. Il doit avoir l'intention. Toi maintenant, quand tu vas lire, lui, il n'est pas avec toi, il n'a pas l'intention. Il faut qu'il soit vivant, qu'il ait l'intention dans son cœur. Il se dit dans son cœur que je vais lire pour Allah, qu'il soit réjoui de moi. Et donc c'est lui qui va lire. Ou à la rigueur, tu lui dis je vais lire, il te dit vas-y, j'aime écouter le Coran. Là d'accord. Et maintenant lui, quand il était vivant, peut-être qu'il ne lisait pas ou il n'aimait pas lire, etc. Donc quand quelqu'un meurt, tout est terminé. Il reste trois choses seulement. Trois choses seulement, yani, peuvent arriver aux morts. Sinon toute autre chose, elle ne peut pas arriver aux morts. Donc, même quelqu'un, conclusion, même si quelqu'un est un wali, supposons que ce soit un wali, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Donc moi, s'il y a quelqu'un qui est enterré, c'est un grand pieux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de faire comme lui, d'être pieux comme lui, de faire beaucoup de prières, de donner beaucoup d'argent aux pauvres, de faire la nuit je fais la prière, et j'aime la sunna, etc. Voilà ce que je fais, j'essaye d'être comme le pieux. Des fois, je me remplis de péché et je vais à la tombe et je vais demander à celui-là qu'il m'aide. C'est impossible qu'il m'aide. Ensuite, sachez une chose. C'est avec celle-là que je termine ce point. Sachez une chose, c'est quoi très importante? C'est que en islam, il y a une catégorie de gens spécialement. On dit celui-là, c'est un wali. Comme beaucoup de gens disent. Ils te disent, oh, X, wallah, c'était un wali. Qu'est-ce que tu veux dire par wali? En islam, il n'y a pas spécialement X ou la Y ou la qui est wali. En islam, toute personne, aussi pauvre qu'elle soit, aussi moche qu'elle soit, aussi je ne sais pas qu'elle soit, si elle est pieuse, c'est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve? C'est Allah Azza wa Jalla qui a dit dans le Coran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Il a dit Allah Azza wa Jalla, les wali d'Allah, ils n'ont pas peur quand ils vont me rencontrer. Ils n'ont pas peur quand ils vont mourir, de ce qu'ils vont laisser, etc. C'est pas la peine d'avoir peur. C'est moi, Inch'Allah Ta'ala, qui vais m'en occuper. Ensuite, il a dit qui? Alladhina amanu wa kanu ittaqun. C'est qui les wali? Il a montré dans le verset. C'est qui les wali? Il a dit les wali, mais wali, awliya Allah, sont ceux qui étaient pieux ici. L'adina amanu, c'est ceux qui étaient croyants, wa kanu ittaqun, et étaient pieux. Hein, ils ne faisaient pas les grands péchés. Ne buvaient pas d'alcool, ne faisaient pas le haram, ne volaient pas, ne mentaient pas. Ce sont ceux-là l'awliya. Donc, moi, toi qui es en face de moi, l'autre, Y, Hada, Abu Muhammad, Tita Khadija, Abu Zar, Zon, Zinjabil, Ariya, tout cela peut-être c'est des wali. Personne ne sait. Je ne sais pas qui est le wali. Est-ce que moi je connais Hada, Abu Muhammad, ou là qu'est-ce qu'il fait, ou là combien qu'il donne d'argent, ou là qu'est-ce qu'il fait la nuit. C'est peut-être un des awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait qui c'est le wali. C'est pas, comme disent les gens, c'est X, Hada, c'est un wali ou la Y. Le wali, personne ne le sait. Chaque personne qui était pieuse, qui avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui faisait tout pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est indallah un wali, et un grand wali même. Mais Allah Azza wa Jalla a dit encore une chose très importante. Il a dit ceux-là, les wali hadou, je vais leur donner un signe pour qu'ils sachent qui sont les walis et s'ils ne sont pas des walis. C'est quoi il a dit? Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhira. Lahumul bushra, il a dit, ils ont la bonne nouvelle dans cette vie et dans l'au-delà. C'est quoi la bonne nouvelle dans cette vie pour savoir quelqu'un c'est wali? C'est quoi, vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, comme dans le hadith sahih, je crois que c'est le Bukhari, il a expliqué ce verset, qu'est-ce que ça veut dire, ils ont la bonne nouvelle dans cette vie. Il a dit, hiya ru'yatu saliha, yaraha rajulu salihu aw turadahu. Il a dit, là où je parle ici, de le songe, le beau songe, ru'ya saliha, le songe qu'on voit, que voit cette personne ou bien qu'une autre personne la voit à sa place. J'ai dit une fois, des fois par exemple on est en train on est en impureté majeure, on a une janaba, cette nuit là tu peux pas voir avec janaba, tu vas voir le prophète dans le songe, c'est pas possible. Donc il y a quelqu'un d'autre qui va voir quelque chose le lendemain, il te dira par exemple, Wallah, je t'ai vu en songe il y a 2 semaines par exemple, que le prophète avait dit cela de toi, ou bien en train de lire le Coran, ou là, ou bien le wali, pour qu'il sache qu'il est wali, Allah Azza wa Jalla lui montre ici les songes, ru'ya saliha ou sadiqa, les vrais songes, je ne sais pas comment on dit en français saliha ou sadiqa, mais c'est le songe qui vient de qui? Qui vient de quelqu'un qui est pieux. Ce n'est pas, attention mes frères et mes sœurs, on vous trompe, attention on va vous tromper, ce n'est pas celui qui ne fait même pas la prière, et il te dira quoi? Ah, le songe véridique, naam, le songe pieux, le songe véridique, c'est Allah Azza wa Jalla, s'il te montre cela, ça veut dire que tu es déjà, Inch'Allah Ta'ala, un wali, ou que, Inch'Allah Ta'ala, tu le vas devenir, si tu en vois beaucoup. Mais comme je disais, c'est le songe qui vient de quelqu'un, quoi, qui est pieux. C'est pas comme maintenant, elle vient la femme, avec un blue jean serré, je ne sais même pas si elle fait la prière, peut-être qu'elle fume même des cigarettes, elle se dit, elle va chez l'imam, puis avant-hier, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le songe, et il m'a dit ceci, hawla wa la quwwata illa billah, tu vois le prophète toi avec un blue jean serré, le prophète il va venir dans le songe, toi si tu voyais, je ne sais pas, ben baise, là, comment tu peux pas le voir, ben baise, parce que tu as le blue jean serré contre toi, et tu fais pas la prière, et tu fumes, tu vas, ben bez, wallah al-adim, tu peux pas le voir, inshallah. Tu peux pas le voir en songe, naam. Hada ben bez seulement. C'est qui ben bez par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Tu vas voir le prophète, alayhi wa sallam, tu ne fais même pas la prière. Beaucoup de femmes font pas la prière, elles disent, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celle-là, les cheveux découverts, celle-là, la poitrine découverte, et tu dis, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quel prophète? C'est impossible que tu l'aies vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des tabi'ons, des fils de sahaba ne l'ont pas vu dans le songe. Non, mais il est possible que quelqu'un de nous le voit. Il y en a beaucoup qui l'ont vu. Mais c'est qui? Ce sont les gens pieux. Les gens qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui passent la nuit à faire la prière. Nous on ronfle et eux ils font la prière. Nous on a peur de l'argent et eux ils donnent la moitié de la paye pour construire les mosquées, etc. Comme Cheikh Ibn Rusaym, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz. Voilà, ce sont, Inch'Allah Ta'ala, walau zaki Allah ahadan, voilà, hadou, ce sont des awliya Allah. Hadou, ce sont des awliya Allah. Regardez comment ils ont vécu. Ils ont vécu pour Allah. Maintenant, il vient une femme, elle fume la cigarette, elle me dit, l'autre, il passe son temps, je ne sais pas où, du matin au soir, à jouer aux cartes et aux dominos. Du matin au soir, il dit, j'ai vu le prophète Hassim hier. Je Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Tu n'as pas vu le prophète. Tu as vu le shaitan. C'est le shaitan que tu as vu. Maintenant, peut-être quelqu'un va me dire, subhanallah l'azim, il y a un hadith sahih. Il y a un hadith sahih qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque me verra dans le songe, il m'a vu. Le shaitan ne peut pas venir dans mon image. C'est un hadith dans le Bukhari et les autres. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque me voit dans le songe, c'est qu'il m'a vu. Pourquoi? Il a dit parce que le shaitan ne peut pas venir en mon image. Parce que Allah Azzawajal a interdit au shaitan qu'il vienne dans l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va dire à celui-là donc, naam, naam, qu'est-ce que ça veut dire le hadith? Le hadith veut dire que le shaitan ne peut pas venir dans l'image, la vraie, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je donne des exemples, s'il faisait 1m70, il avait les cheveux noirs et les yeux noirs, d'ailleurs, comme ça il était. Il avait le teint blanc et les deux joues roses. Donc le shaitan ne peut pas venir avec cette taille exactement, ses cheveux, ses yeux, son nez, yani du prophète Hassan, et dire c'est moi le prophète. Il ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avec la taille de quelqu'un de 1m50, avec les cheveux un peu blancs et les yeux un peu verts au lieu de noirs, et le teint noir un peu marron au lieu de blanc, il va dire c'est moi le prophète. Voilà, ça le shaitan peut le faire. Donc il peut venir dans une autre forme et il dit c'est moi le prophète. Mais ce qui est interdit pour lui, c'est qu'il vienne avec la forme du prophète, la vraie forme comme il était, et il te dit c'est moi. Ça c'est interdit, il ne peut pas le faire. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, quelqu'un lui disait Abdullah ibn Abbas, hier j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première question que lui disait Abdullah ibn Abbas, c'était quoi? Il lui dit, siffle-moi, décris-moi ce que tu as vu. Car Abdullah ibn Abbas a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam des milliers de fois. Donc dès qu'il commence à lui dire, décrire ce qu'il a vu dans le songe, il voit qu'il ne ressemble pas au prophète, il lui dit arrête, c'est pas lui, arrête. Non, c'est pas lui. Naam. Pour que ça soit lui, c'est pour ça que même certains ulama, ils ont dit que pour que quelqu'un rêve ou songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut ou bien l'avoir vu, ou bien l'avoir connu et aimé par qui? À force de lire ses livres, à force de lire sa biographie, à force de suivre sa sunna, à force de faire comme lui, essayer de faire comme lui jour et nuit, dans les habits, dans l'allure, dans le comportement, à force de l'aimer, Allah Azza wa Jalla peut te le montrer, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la femme, elle vient avec un blue jean serré ou un débardeur ou je ne sais pas quoi, les cheveux comme ça, la cigarette dans la bouche, rouge à lèvres. Ensuite, elle vient, je ne sais pas quoi, hier elle était en train de danser, dans un dancing. Elle dit, oh Allah, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam hier. Masha'Allah alayk, toi tu vois le prophète, Masha'Allah alayk. Je crois que... Pardon, je rire. Il est moins 10. Je préfère m'arrêter ici, Inch'Allah, parce que j'ai peur de rire beaucoup. Je m'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, pour préparer vos questions, Inch'Allah ta'ala. J'ai pas. Non, vous préparez, Inch'Allah ta'ala, vos questions. On se rencontre, Inch'Allah, dans 5 ou 10 minutes. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi sawt. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali. Shuf idha fi sawt. Naam, barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Je commence comme d'habitude très vite par ceux qui m'ont envoyé au courrier. Il y a quelqu'un qui dit je voulais te demander si tu pouvais faire un bref résumé du dars d'hier car je n'ai pas pu assister au cours d'hier. Barakallahu fik. Fika barakallahu. La réponse c'est que le dars d'hier c'était des ahadith. Les ahadith c'est impossible de faire quoi? De faire le résumé des hadiths. Parce que ce n'est pas un seul hadith, mais ce sont beaucoup de hadiths. Et puis, ce n'est pas un dars sur la aqida ou la. Mais c'est un dars sur les hadiths. Donc, c'est difficile. Inch'Allah ta'ala. Ensuite, Muslim Kouladi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, Omar Abdullah, regarde si Muslim Koula est dans la liste. Regarde Muslim Koula s'il est dans la liste. Sinon, on saute directement, inshallah ta'ala, à l'autre. Il est là, d'accord. Muslim Koula dit, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, un frère, Ash'arite, prétend que l'Ash'ari est le premier à avoir organisé Ilm al-Aqida et qu'ils attendent le venu du Mahdi qui serait un descendant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il va rétablir le khalifa. Pouvez-vous nous éclairer sur ces points et nous dire ce qui ne va pas dans la Aqida des Ash'arites et quel est le danger de cette secte? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Les Ash'arites, leur Aqida, et ils sont égarés bien sûr dans la Aqida parce que, comme vous savez, ils disent qu'il n'y a que sept attributs. Nous, on dit, Allah Azza wa Jalla a beaucoup de noms et beaucoup d'attributs. Eux, ils disent qu'il a seulement sept attributs. Sept. Al-Hayat, Sam, Al-Qudra, Al-Ilm, Al-Basar. Seulement sept. Et tous les autres, comme nous, on dit les mains, eux, ils disent non, ce n'est pas les mains. Dans ces fêtes, Al-Khabariya, ils déforment. Ils ne disent pas la main. Ils disent c'est la Qudra, c'est la puissance. Ils disent pas il descend, ils disent pas les yeux, etc. Donc, dans la Aqida, ils sont égarés. Ensuite, il dit, bien sûr, ils ont beaucoup, beaucoup de fautes dans la Aqida. D'ailleurs, celui-là, je crois qu'il se vante, il se dit, moi je suis Ash'ari parce que Ash'ari, c'est lui qui a écrit le premier livre dans la Aqida. Je crois qu'il parle de son livre Ibn, je crois. Nous, on dit à cette personne, premièrement, toi, tu n'es pas Ash'ari. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'Ash'ari lui-même, il était d'abord Mu'tazili. Ensuite, il est monté sur le mimbar et il a dit, je me désengage de la secte des Mu'tazila comme j'enlève mon kamisada. Et il a enlevé quelque chose qu'il avait sur lui. Il l'a enlevé. Il a dit, comme j'enlève cette chose, je me désengage de Mu'tazila, de la secte des Mu'tazili. Ensuite, il est devenu ce qu'on appelle Kullabi. Ensuite, vers la fin, parce qu'il est passé par trois étapes, il est devenu Min Ahl Sunnah. Donc, lui, la personne qui dit je suis Ash'ari, on lui dit si vraiment tu étais Ash'ari, tu aurais dit comme aurait dit l'Ash'ari, pourquoi tu dis pas comme il dit? Pourquoi toi, tu dis pas comme il dit l'Ash'ari? Donc, quelqu'un qui nous dit pas je suis Maliki, il ne suit pas l'imam Malik, il dit je suis Shafi'i, il ne suit pas les conseils de Shafi'i, on lui dit tu es un menteur, tu n'es pas un Shafi'i ni un Maliki. La même chose ici pour l'Ash'ari. Tu dis que tu es Ash'ari et que l'Ash'ari c'est lui qui a écrit l'Inaba. Alors pourquoi tu ne suis pas ce qu'il y a dans l'Inaba? Pourquoi tu ne suis pas l'Ash'ari? Pourquoi tu ne fais pas comme lui? Lui, il a fait le repentir, il a dit khalas, il a lâché la chose. Toi pourquoi, Annie, tu dis je suis Ash'ari? Alors que tu suis l'Ash'ari et tu ne suis pas lui-même l'Ash'ari, alayhi rahmatullah. En ce qui concerne le Mahdi, s'il parle du vrai Mahdi, naam, le Mahdi viendra, mais c'est pas le Mahdi des chiites. Le Mahdi des chiites, il existe maintenant, il est dans un garage, il est dans un sous-sol. Le vrai Mahdi, c'est celui que Allah Azza wa Jal fera créer dans une nuit. C'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Bukhari. Il a dit, l'Azul créera le Mahdi en une nuit. Vous savez ce que ça veut dire en une nuit? Ça veut dire maintenant tu termines le dars, termines par Tokala, tu vas dormir, demain tu te lèves, c'est un exemple, hein, demain tu te lèves, tu ouvres la radio, on te dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Mahdi qui a vu le jour dans telle ville et telle ville. Donc, c'est l'Azul le créera en une nuit. Il s'appellera Muhammad ibn Abdullah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera un descendant de lui, bien sûr. Voilà à peu près sur les Ash'ari, mais bien sûr, ils ont beaucoup, beaucoup de fautes, je peux pas les... sur acquis de la descendance, c'est ce que je veux dire, de la descendance. Naam, min dhurriyati. Mais comme je viens de dire, ils ont beaucoup, beaucoup de fautes, hein, on laissera, inshallah ta'ala, un dars qui va venir spécialement sur les Ash'ari. Ensuite, une question, je m'excuse de vous... Cette personne dit, je m'excuse de vous déranger, Mais j'ai une question à vous poser, je n'ai pas osé le faire sur le Paltok. Non. Voilà, je suis actuellement étudiante infirmière. Et pour pouvoir étudier, je suis contrainte de lever mon voile et d'être dans la mixité. Lever mon voile, j'ai beaucoup cherché qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, je me suis rappelé les photos de Abdallah. Ensuite, je suis allé voir. J'ai vu, donc j'ai cru comprendre maintenant que lever le voile, c'est elle enlève ce qu'il y a sur la tête et elle montre ses cheveux. C'est comme ça que je comprends. Elle lève le voile, ça veut dire elle enlève ce qu'elle a sur la tête et maintenant ses cheveux commencent à apparaître. Naam. Barakallahu fik. Naam. Alhamdulillah. Parce que sinon j'aurais compris autre chose. Donc, et d'être dans la mixité. Je voudrais arrêter, mais mes parents ne veulent pas. Je dois faire une muqabala avec un frère bientôt, Inch'Allah. Mais mes parents m'ont dit qu'ils n'acceptent pas que je me marie avant d'avoir fini mes études. Et que je n'avais pas intérêt à arrêter mes études, car si je les arrête, ils me mettent à la porte de leur maison. Je ne sais pas du tout quoi faire, car j'ai 21 ans et je voudrais bien me marier, arrêter mes études, qui me font désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, jazakillahu khairan. Voilà une sœur qui a, je sens qu'elle a le iman dans le cœur. Mais c'est très malheureux, bien sûr, d'entendre des choses comme cela, parce que les choses comme cela, elle déchire le cœur de quelqu'un. Les choses comme cela déchirent le cœur de quelqu'un. Maintenant, les parents, au lieu qu'ils soient contents d'avoir une fille comme ça, au lieu de lui faire tout ce qu'elle veut, de la gâter pour qu'elle continue dans le droit chemin, d'où ils font des entraves et des problèmes pour que l'essentiel, c'est les études. Même si elle va éternellement en enfer ou là, on s'en fout. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'elle soit infirmière ou là, elle soit médecin ou là, elle soit spécialiste. Elle soit professeur à la fac. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam, naam, l'iman quand il est faible, akhi Muhajir, l'iman quand il est faible, c'est l'iman quand il est faible. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Maintenant, moi je dis à ma soeur, d'un côté, c'est très grave, je dis bien très grave, le fait qu'une femme montre ses cheveux aux hommes, etc. C'est pas la fin de parler de la mixité. Surtout que c'est à cause des études qui n'ont rien à voir avec le paradis et l'enfer, seulement des études de ce bas monde. Bien sûr, l'Azul aime ses études, etc., aime les médecins, etc., mais pas comme elle a dit elle-même, mais pas des études qui font désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je te conseille de faire beaucoup de doigts. Je te conseille de faire beaucoup de doigts. L'Azul a dit dans le Coran, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب. C'est Allah Azza wa Jalla qui a dit ça, c'est pas moi. Il a dit quiconque, il voudrait être pieux et il essaie d'avoir peur de moi et d'éviter ce que je n'aime pas, etc., celui-là, je lui ouvrirai les portes et je lui donnerai des résultats, etc., qui n'étaient pas dans sa tête. Allah Azza wa Jalla va te faire, Inch'Allah Ta'ala, une solution qui ne t'est jamais passée dans la tête. Seulement, essaye de faire beaucoup de doigts. Et je te conseille aussi, ça c'est un conseil, je ne sais pas si tu peux le suivre, si tu peux ne pas le suivre, je conseille aussi que tu aies une forte personnalité. Car en islam, on ne transige pas. Il faut que ta mère, surtout ta mère, il faut qu'elle sache que tu ne suces pas ton doigt et que tu montres que tu as une personnalité. Maintenant, si on te dit tout ce qu'on te dit, tu as peur, etc., donc là, pour elle, tu es très faible. Tu sais que c'est toujours la femme, ça tout le monde le sait. Toujours la femme qui a presque le premier et le dernier mot. C'est pour ça que les ulama ont dit que toutes les guerres qu'a fait Napoléon, c'était les décisions se prenaient la nuit quand il était avec sa femme, c'est pas le jour. Donc tout ce qui se passe dans le monde, c'est les femmes qui sont derrière les maris. Donc toi, si tu arrives à convaincre ta mère, ton père ensuite, khlas, il marchera comme voudra ta mère. Toi, avec ta mère, il faut avoir une personnalité. Il faut lui montrer, il faut pleurer, il faut dire là, je n'en veux plus, il faut dire si vous continuez comme ça, maintenant c'est moi qui vais fuir, c'est pas vous qui allez me sortir de la maison. Il faut faire un peu de menace en ce sens. Pourquoi? Parce qu'il te voit maintenant, tu as peur, tu te tais, il te menace, ils vont te faire sortir. Maintenant c'est toi qui fais le contraire. Maintenant tu dis moi, là, 15 jours ou là, 20 jours ou là, je ne sais pas, un mois ou là, et j'arrête. Je ne veux plus de ces études, c'est haram, c'est ceci, c'est cela. Là, tu essayes de leur montrer un peu. Et là, eux, je sais que les parents, comment ils pensent ensuite, eux, ce sont eux qui vont avoir peur. ce sont eux qui vont dire maintenant notre fille, où est-ce qu'elle va aller, si on l'a fait sortir, où est-elle maintenant, où passe-t-elle la nuit, etc. etc. Et ce sont eux, inchallah ta'ala, qui vont avoir peur. Il suffit seulement d'avoir un peu de courage et de parler, car tu parles, je te dis pas de désobéir, je dis de parler de ton droit, le droit que Allah Azzawajal t'a donné, c'est de te cacher devant les hommes. Ça, c'est Allah Azzawajal t'a donné et t'a ordonné, c'est un devoir. Quiconque, yani, ne désobéit pas à ses parents envers ces choses, il a obéi à Allah. Et quiconque obéit à ses parents, il a désobéi à Allah. À part cela, tes parents, tu leur laves les pieds. Tu leur enlèves leurs ongles s'ils veulent avec le coupe-ongles. Tu leur fais ce qu'ils veulent. Tu vas 50, 60 km à pied, pour leur acheter des fruits, etc. Mais quand ils te disent le haram, tu leur rends halal, le halal, tu leur rends haram, tu dis non, pardon. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Toi, Inch'Allah Ta'ala, essaye d'avoir, de leur montrer un peu ce que tu es. Et fais beaucoup de doigts. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, on te fait des doigts. Et Inch'Allah Ta'ala, donne-nous des nouvelles très bientôt. Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla va t'ouvrir une porte qui ne t'est jamais passée, Inch'Allah Ta'ala, dans ta tête. Wallahu Ta'ala Adam. Ensuite, est-ce que Umm Salama est là? Elle a dit, est-ce que Umm Salama, sans numéro, seulement Umm Salama, est-ce qu'elle est là? On va voir si elle est là d'abord. Je crois qu'elle n'est pas là. Je crois qu'elle n'est pas là. Ensuite, quelqu'un a dit, d'abord, est-ce que vous m'entendez? Non, elle n'est pas là, ça. Ensuite, non. Ou pas, ça. Bon, cherchons Abu Mouad 42. Abu Mouad 42. Abu Mouad 42. On va voir s'il est là, Abu Mouad 42. En principe, il est toujours là. Wallahu a'lam. Là, il est là. Abu Mouad a dit, je suis un salafi de 22 ans. Masha'Allah alik, je suis vos cours depuis quelque temps. Cheikh, vous me plaît, j'ai une question. Salat sunnah. Cheikh Al-Albani dit que le prophète récitait parfois dans la première raka'a la surat Al-Kafirun et dans la deuxième surat Al-Ikhlas, sunnat Al-Fajra, la sunnat du Fajr. Vu que Cheikh Al-Albani dit que c'est parfois, est-ce une bid'a de les réciter tous les matins? Le livre Al-Sibsat al-Nabi, bien sûr, je l'ai lu plusieurs fois, non seulement je l'ai lu, mais je l'ai enseigné aux gens. Et je l'ai toujours devant moi. Aujourd'hui, je suis allé vers le livre pour voir si vraiment. Si vraiment tu t'es pas trompé quand tu as dit, il a dit parfois seulement. Quand j'ai bien cherché le livre, malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Mais je voudrais te dire une chose, Inch'Allah Ta'ala. La sunna du Fajr, c'est le plus souvent tu dis la première raka'a, qu'ul ya ayyuha al-kafirun, la deuxième, qu'ul huwa Allahu ahad. Et de temps en temps, tu fais composer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lis avec d'autres choses, comme il l'a lu une fois, il l'a lu, qu'ul ya ahl al-kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Et dans la première, il a lu Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Donc, la plupart du temps, la sunna du Fajr, on lit Qul ya ayyuha al-kafirun dans la première et on lit Qul huwa Allahu dans la deuxième. Tu dois le faire la plupart du temps. Et de temps en temps, pour yani changer un peu, tu laisses les deux sourates et tu lis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, avec les deux versets que je viens de lire, ou peut-être avec d'autres, inshallah ta'ala, c'est valable, naam. Ensuite, hier, je parlais de quelqu'un, j'ai pas terminé hier, je sais pas comment, un âme, parce que j'avais faim, j'ai pas terminé. Je parlais de celui qui m'a dit que il y a des bid'a dans la mosquée, etc. Est-ce qu'il doit partir à la mosquée ou il ne doit pas partir? Je voulais lui dire, j'ai pas terminé, je voulais lui dire, mais, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah, a dit, quiconque ne va pas à la mosquée à cause d'une bid'a de l'imam, il fait la prière à la maison, il a dit donc c'est lui-même un mubtada. Quiconque ne va pas à la mosquée à cause qu'il a des bid'a dans la mosquée, il devient lui-même un mubtada. Donc faites bien attention à cela. Soit tu vas à la mosquée, ce n'est pas obligé de parler avec tout le monde, tu te suffis à salam salam, tu éloignes de toi les problèmes au maximum, tu fais la prière avec eux, les bid'a, etc., tout ce qu'il y a, ce sont eux qui vont les avoir sur leur dos. ce sont eux, l'imam et les autres qui vont les avoir sur le dos. Soit ta salat est à 100% inshallah ta'ala juste, et ce sont eux qui vont avoir les péchés. Car sinon, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, je vais faire la prière à la maison. Et quand quelqu'un commence à faire la prière à la maison, deuxièmement, premièrement, il rentre dans la bid'a, et deuxièmement, il va pas tarder, il va dire, classe, après je fais demain, et ensuite il va laisser la salat. C'est comme ça qu'on commence. Bien sûr, s'il y a une autre mosquée un peu plus près ou un peu plus loin, tu vas à la deuxième mosquée. Et s'il n'y a pas, tu fais avec eux, inshallah ta'ala, et c'est comme ça la sunna, tant que la bid'a n'est pas une bid'a mukassira, parce qu'il y a des bid'a qui rentrent dans le coffre. Moi je parle des autres bid'a qui n'arrivent pas au coffre. Pour le rousse de la femme le vendredi, je sais que le vendredi, ce que je sais, c'est que la femme n'est pas obligée de se laver. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas à la mosquée le vendredi, elle n'est pas obligée d'aller, mais c'est l'homme qui est obligé d'aller, et c'est lui qui doit se laver. Mais j'ai lu une fois un certain alim, un grand alim, qui a dit que même la femme se lave, mais je ne sais pas, il faut d'abord que je lise ces dalils pour que je dise aux gens. Maintenant, je marche avec le dalil que tous les gens connaissent, que c'est l'homme qui c'est lui seulement à qui c'est obligatoire d'aller à la mosquée le vendredi. Donc, par conséquent, c'est lui qui fait le rousl. Wallahu ta'ala alam. Dernière des choses, non, salam alaikum, je voudrais savoir quand on urine, quand on fait l'istinja. Quelqu'un dit, je voudrais savoir quand on urine, on fait l'istinja, doit-on se laver le postérieur? Et quand on fait un gaz, doit-on refaire l'istinja? Je répète, je voudrais savoir si quand on urine, quand on fait l'istinja, et doit-on aussi se laver le postérieur? Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'il veut dire le postérieur, mais s'il parle du derrière, je ne sais pas si c'est ça, ce n'est pas obligé. Quand on urine et quand on fait l'istinja, on se lave seulement de l'endroit où on a uriné. On se lave seulement de l'endroit où on a uriné, pour femme et homme. Et la même chose, quand on a des gaz qui sortent, c'est pas la peine de se laver. On fait seulement le wudu et on fait la prière. Seulement on se lave lorsqu'on défèque, lorsqu'il y a des excréments qui sortent. Sinon, s'il y a seulement des gaz, c'est rien. On fait seulement les ablutions, on fait la prière, inshallah ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, même ici dans la mosquée où je suis, il y a des Égyptiens, etc., qui sont très très loin, bien sûr, de la sharia. Il y a certains d'eux qui, par exemple, seulement ils urinent, ils croient qu'ils se lavent par derrière et par avant. Alors, quand on urine, on se lave seulement par avant. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait par derrière. C'est pour ça qu'on lave seulement par avant. Wallahu ta'ala alam, on commence par nos frères et nos sœurs ici. Ala ad-Din, c'est toujours le premier. Masha'Allah, Ala ad-Din, c'est toujours lui qui lève la main premier. Tfadal, Ala ad-Din, barakallahu fik, tfadal. Vous préparez pour les sœurs les questions, inshallah ta'ala. Une sœur vient d'apprendre que sa mère qui l'a élevée n'était pas sa vraie mère après 22 ans d'existence et que leur relation s'est dégradée sur tout côté de la mère. Quel comportement doit adopter la sœur étant donné que ce n'est pas sa vraie mère, barakallahu fik. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, je dis à ma sœur si elle m'écoute, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, wa la tansaw al-fadla baynakum, n'oubliez pas yani le bien qu'il y a entre vous. Comment ma sœur, après 22 ans de ce qu'a fait cette mère, de cette femme qui tu croyais que c'était ta mère, yani elle t'a élevé, elle t'a enlevé les saletés, elle t'a yani combien de choses a-t-elle fait? Ensuite, dès qu'on a pris, que ce n'est plus notre mère, ça y est, on la jette, on la déteste. C'est impossible. C'est impossible. Quand on apprend que ce n'est pas notre mère, bien sûr, on est choqué, on a des problèmes, on se dit, subhanallah, etc., où est notre mère, etc., etc. Mais, n'oublie pas que cette femme, que ce n'était pas obligé qu'elle fasse tout cela pour toi. Donc, au contraire, moi, celle-là, c'est celle-là que je vais prendre à la place de ma mère, car je n'ai pas ma vraie mère. Je n'ai pas ma vraie mère, je l'ai perdue, et c'est celle-là qui m'a élevé, donc c'est celle-là, inshallah ta'ala, que je vais essayer de la mettre à la place de ma mère, parce que c'est elle qui m'a élevé, c'est elle ceci, c'est elle cela, bien sûr, sans oublier que ce n'est pas ma mère et que j'ai une autre mère. Donc je ne vois pas pourquoi où est le problème. Le problème, bien sûr, on est touché, etc., parce que ce n'est pas notre mère, mais on ne sait pas. Non, si c'est le comportement de la mère qui a changé, ah, on a de la râle. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, comme on dit, au maximum yani patienter. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle peut se marier, elle va se marier, elle s'éloigne d'elle. Si elle a peur de ses problèmes, elle va louer une maison. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais je lui demande de patienter au maximum. Elle essaye de lui montrer. Peut-être que cette femme a changé quand elle a vu le changement aussi de la fille. Elle a vu le changement de la fille. Elle a senti que la fille est devenue froide envers elle. Les relations ont froidi. C'est pour ça que peut-être elle-même a changé. Je suis sûr que si cette fille revient vers cette femme, etc., et lui obéit, etc., elle l'enlace, elle l'embrasse, etc., je suis sûr qu'elle l'aimera, car que quiconque élève un garçon ou une fille, il l'aime comme son fils ou plus. Quiconque élève un garçon ou plus, ou une fille, il l'aimera comme son fils ou plus. والله تعالى اعلم اسال الله سبحانه وتعالى يجمع بين القلوب بجمع الله سبحانه وتعالى كي يونس انت ليك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تفضلوا ام صفيه ويسا كيستو ان شاء الله تعالى نعم ديلو ان شاء الله تعالى على الدين ديلو بارك الله فيك طول من النصيحه ان شاء الله تعالى il faut pas qu'elle oublie comme ça 22 ans elle a élevé pendant 22 ans elle oublie ça très vite بارك الله فيك. Une sœur qui désire rester anonyme sur le fait que si le mari ne satisfait pas sa femme au niveau des rapports physiques. Et que doit faire la femme si elle s'en éloigne et seule? Non, j'ai pas compris la dernière question. Que doit faire la femme si elle est seule et s'en éloigne? C'est ça la question. Hein? Si elle éloigne son mari, elle s'en éloigne ou là comment? Je n'ai pas bien compris. De toute façon, je voudrais dire que il est du devoir de l'homme de satisfaire sa femme à ce niveau-là. Il est du devoir de l'homme. Allah, quand il a dit dans le Coran, il a dit Mohsenin. Mohsenin, il parle de l'homme, ça veut dire c'est celui qui, sa femme, lorsqu'il fait avec elle le rapport, n'a plus besoin d'un autre. Ja'alaha Mohsenatan, parce qu'il est Mohsen. Et la femme aussi Mohsenat, ça veut dire que l'homme ensuite, il n'a plus besoin d'une autre femme. Il n'a plus besoin d'une autre femme. C'est pour ça qu'une femme, quand son mari ne veut pas faire ces choses-là, ou bien qu'il est malade dans ce sens, elle peut demander la séparation. Elle peut demander la séparation quand elle sait que son mari, par exemple, est malade ou il est impuissant. Et si quelqu'un dit, pourquoi le pauvre il est impuissant, comment yani maintenant on va faire des problèmes, etc., quand le pauvre, etc., Cheikh Ibn Uthaymeen a répondu à cette question exactement, il a dit, laissons le problème un seul problème. Ne faisons pas de ce problème deux problèmes. Laissons le problème un seul, c'est-à-dire laissons-le lui malade et on sépare la femme. Ne faisons pas maintenant deux problèmes, lui malade et elle malheureuse. Laissons le problème à un niveau. Lui il est malade, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guérisse. Elle, laissons-la se marier avec quelqu'un qui est normal. Donc en islam, il est permis à la femme, s'il ne peut pas faire les rapports, ou là, s'il est malade, ou là, s'il ne veut pas, ou là, il n'est pas. Déjà, vous savez que le verset dit 4 mois. Si un homme dit, je ne vais pas toucher ma femme, c'est comme ça en islam. Si un homme dit en islam, là, wallah, je ne vais pas toucher ma femme, qu'est-ce qu'elle fait? On l'attend 4 mois. Le tribunal l'attend 4 mois. Si après 4 mois, il ne veut pas toucher sa femme, elle est directement divorcée. Ils sont séparés, là. Il veuille ou pas, sauf dans une condition, il dit là, aujourd'hui je commence à faire des rapports. Sinon, elle est divorcée. Il n'y a pas plus de 4 mois en islam, car les ulama ont dit que 4 mois, c'est le maximum qu'une femme puisse tenir. Mais il a été prouvé, inshallah ta'ala, que des femmes sont restées 20-30 ans sans faire de rapports, comme a fait Aïcha radiallahu ta'ala anha. Le prophète alayhi salatu wasalam l'a laissée à l'âge de 18 ans. Elle est morte à l'âge de 68 ans. Elle est restée 50 ans sans avoir aucun rapport avec un homme radiyallahu ta'ala anha. Donc cette femme doit demander à son mari de faire le devoir envers elle. Ça c'est un devoir, c'est pas il le fait ou là il peut pas. Ça c'est un devoir. C'est pour ça que certains hommes qui sont très égoïstes, certains hommes qui sont très égoïstes, quand il fait le rapport avec sa femme, dès que lui il termine son plaisir, il s'en fout. Il cherche pas à savoir sa femme ou là, ça l'intéresse pas. L'essentiel c'est lui qui a eu son plaisir. Ça aussi c'est interdit en islam. Ça aussi, c'est interdit en islam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, elle voit, elle demande, elle exige de lui yani, ou bien il dit qu'il est malade ou là pour voir quelle est la solution. Maintenant, si c'est lui qui veut pas, elle doit lui exiger. Elle doit lui exiger ça. Pourquoi? Car c'est son devoir, lui, et elle, c'est son droit. Elle a droit de demander cela. L'un des buts du mariage, c'est cela. L'un des buts du mariage, c'est cela, pour avoir des enfants et pour ne pas être attiré par d'autres hommes, etc. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait que quand quelqu'un sort dans la rue, s'il voit par exemple une femme qui lui plaît ou là, c'est un hadith sahih bien sûr, il dit qu'il revient à sa femme, elle a ce que l'autre a. Voilà. Donc quand on a une femme, yani, on n'est pas attiré par d'autres. Pourquoi on a une femme? On a, yani, comment se satisfaire. La même chose la femme. Quand elle a, comment se satisfaire? Alhamdoulilah. Quand elle n'a pas, toi tu ne la satisfais pas. Donc si elle commence à faire des problèmes, c'est ta faute. Moi, ça fait seulement peut-être 10 jours, quelqu'un m'a dit que il est là dans le pays où je suis et sa femme est dans un autre pays. Quelqu'un m'a dit que sa femme a fait la zina. Maintenant, il est dans de gros problèmes. Pourquoi elle a fait la zina? Parce que 2 ans et demi, il n'est pas parti. 2 ans et demi, il n'est pas parti chez sa femme. Maintenant, c'est lui le fautif. Normalement, c'est lui le fautif. Bien sûr, la zina, c'est haram, c'est un grand péché. Mais c'est lui d'abord qui va avoir les péchés avant elle. 2 ans et demi, il n'est pas parti chez sa femme. À quoi ça sert de se marier si on ne part pas 2 ans et demi chez sa femme? C'est interdit. Laisse-la, libère-la, laisse-la, elle va se marier. Elle va se marier. Pourquoi tu restes 2 ans et demi sans partir chez elle? Libère-la. Téléphone, tu dis que tu es divorcé. Laisse-la se marier. Et quand tu vas dans ton pays, dans 15 ou 20 ans, je sais que tu vas aller dans ton pays dans 20 ans. À cause du dinar et du dollar, tu vas rester ici. Je sais que tu vas pas chez ta femme. Et il y a une autre, celle-là, on me l'a raconté. La hawla wa la quwwata illa billah. Celle-là, c'est une histoire véridique. Allah, on me l'a raconté parce que beaucoup qui habitent dans le même quartier aussi en Égypte, beaucoup m'ont raconté ici. Quelqu'un est resté ici loin de sa femme, je ne sais pas combien d'années, 4, 5 ans. Elle attendait. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est tombé du premier parce qu'il travaille ici dans un immeuble. Il est tombé d'en haut. Il est mort. Ensuite, on l'a mis dans le cercueil. On l'a amené là-bas. Quand on l'a amené, on l'a mis dans la chambre, etc. Ensuite, sa femme est arrivée devant tout le monde. Elle a ouvert le cercueil. Eux, ils ont cru qu'elle allait l'embrasser ou le voir, je ne sais pas. Et elle a enlevé la mule, elle a enlevé ses souliers, elle a frappé au visage. Elle lui a dit, Kuwait, Kuwait, Kuwait, voilà ce que t'as donné le Kuwait. Quand tu es resté là-bas, je ne sais pas combien d'années, chaque fois je téléphone, viens, tu viens pas. Elle lui a donné avec des coups de souliers, alors qu'il était mort en plein visage. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Astaghfirullah, presque moi je lui donne raison, presque, c'est interdit ce qu'elle a fait, bien sûr. Et comment elle est restée 5 ans et 6 ans sans le voir? C'est pas une vie, Hadi, c'est pas une vie. Inch'Allah Ta'ala, essaye de faire comprendre à ton mari cela. Que Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah Ta'ala, il vous fasse, Inch'Allah, une solution. Wallahu Ta'ala alam. C'est qui le prochain, Inch'Allah, et tfaddal? Bon, Om Safiya, tafaddali. As-tu une question, Om Safiya? Ensuite, Khadija derrière elle. Om Safiya, je lui ai enlevé le point rouge. Un frère veut épouser une sœur, mais le père de la sœur est en prison pour 2 ans. Peut-elle avoir recours à son frère pour la tutelle? Un frère veut épouser une sœur, mais le père de la sœur est en prison pour 2 ans. Peut-elle avoir recours à son frère pour la tutelle? Son frère, ici, c'est quelque chose de très simple. Il va voir son père et lui donne la tutelle. Son frère va aller à la prison. Il va demander à son père, il lui dit, voilà, il va se marier, je vais être son tuteur, est-ce que tu acceptes? Il lui donne la tutelle et il la marie. C'est comme ça, c'est très facile, Inch'Allah Ta'ala. Moussafia, je lui ai retiré le point rouge, peut-être qu'elle est bloquée. Ça y est, elle a dit ici. Alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez dit, Hassan et Hussein ne sont pas jumeaux, j'aurais aimé le délit, il fallait que ce soit pas au bac, l'offre, je ne sais plus rien. Naam, Moussafia, je vais dire quelque chose, ça va t'étonner. En fin de compte, c'est toi, Om Safiya, c'est toi qui va amener le délit qui sont jumeaux. C'est toi qui va amener le délit qui sont jumeaux. Parce que celui qui dit que cette chose est ainsi, en principe, c'est lui qui doit amener les délits. Je sais, je sais. Ah, je sais. Je sais ce que tu veux dire, Oum Safiya. Je sais ce que tu veux dire. Moi, quand j'ai dit ça, je parlais pas de toi. Je parlais pas de... Je veux dire que les gens qui disent qu'ils sont jumeaux, beaucoup disent qu'ils sont jumeaux, ce sont des gens qui ont entendu seulement les gens parler. Ils ont entendu les gens parler, ça a marché de bouche à oreille. Et si tu vas lire leur biographie, tu vas trouver qu'ils sont pas nés dans la même année. Je crois qu'il y a une année de différence entre Nam. Moi, j'ai lu cela personnellement, j'ai lu cela dans leur vie. J'ai trouvé qu'il y a à peu près une année de différence entre eux. Mais c'est très connu, ça a marché que ce sont des jumeaux. D'ailleurs, même les enfants, des personnes, quand ils ont deux enfants qui se ressemblent, jumeaux, ils les appellent Hassan ou Hussein la plupart du temps. Mais Inch'Allah Ta'ala, le vrai, c'est qu'ils ne sont pas des jumeaux. Tu me dis, où est le dalil? Le dalil, c'est de revenir à leur biographie. Je prends un livre qui parle de la biographie des Sahaba, etc. Tu trouveras Inch'Allah Ta'ala, qui sont pas des jumeaux. D'ailleurs, je demande à un des ikhwa ici, c'est plein, inshallah ta'ala, c'est plein. Non, Oum Safiya, demain, inshallah ta'ala, je vais demander maintenant à quelqu'un ici des talab d'ilm. Ah, je demande peut-être à Bilal, ou à Abu Mu'ad, ou à Muhajar, ou là. Il nous ramène, inshallah ta'ala, il nous dort fait tarajim, il nous ramène demain ou l'après-demain, quand est-ce qu'il est né le Hussein, quand est-ce qu'il est né le Hassan, Wallahu ta'ala a'lam. Fiki Barakallah. Quand une femme, en islam, quand une femme veut se marier, s'il n'y a pas le wali, on doit toujours lui trouver un wali. C'est pour ça qu'on commence d'abord par les pères, ensuite les fils, ensuite les frères, ensuite on va le rahim. On commence d'abord qui par le père. S'il n'y a pas de père, on monte au grand-père, au grand-grand-père et on monte. Ensuite, s'il n'y a pas, on descend au fils. Fils, petit-fils, peut-être elle est mariée, elle a un fils. Son fils, c'est le wali. L'autre fils. S'il n'y a pas, on va du côté frère, frère, etc. Donc elle, donc celui-là, s'il sait qu'il peut avoir la tutelle du père, c'est-à-dire qu'il peut parler au père, le père lui donne la tutelle. Inch'Allah ta'ala, c'est possible. Sinon, le frère, Inch'Allah Ta'ala, il peut. Si elle n'a pas de grand-père, s'il n'y a pas de grand-père, car s'il n'y a pas de père, on va directement au grand-père. S'il n'y a ni père ni grand-père, comme je disais, on descend au fils. S'il n'y a pas de fils, on va aller au frère, Inch'Allah Ta'ala. Mais toujours en islam, on marie la femme, quitte à ce que c'est le gouvernant qui la marie, ou bien l'imam, et on ne la laisse pas comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Khadija, tafadlali, Khadija 59. Est-ce que vous avez sa question, Inch'Allah Ta'ala? Pourquoi moi, Naam, avant de lire la question de Khadija, pourquoi je voulais parler de préférence, même s'ils battaient ses enfants, ou ils battaient la famille, de préférence, s'ils peuvent, qu'ils leur donnent la tutelle, c'est mieux. Pourquoi? Comme ça, quand ils sortent, il ne va pas leur faire des machakis. Il ne va pas leur faire des machakis. C'est pour ça, de préférence, l'année, on va le voir, etc., on lui dit, voilà, on va marier la fille, etc. Je vais être à ta place parce que tu n'es pas là. Il parle à son père. Il dit, je vais être à ta place, tu es absent 2 années, c'est trop, on lui a trouvé un bon parti, etc. C'est comme ça que va lui dire son fils, Allahu Ta'ala Alam. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous avez parlé des rêves avec le prophète, alayhi sallam. Pourriez-vous interpréter le rêve d'une fille de 9 ans pratiquant, alhamdoulilah, prière, je peux vous l'écrire vite, très vite dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala. Ma soeur Khadija, Allah, je suis pas un quelqu'un de spécialiste dans les rêves, dans les traductions des rêves, je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un. Mais si tu veux, Inch'Allah Ta'ala, tu veux me l'envoyer à l'email, tu veux l'envoyer dans mon courrier, si tu veux, envoie-moi dans le courrier, et j'essaie, Inch'Allah Ta'ala, de voir si je comprends son sens. Inch'Allah Ta'ala. Naam, on va te l'écrire, Inch'Allah, voilà. Njabila est intelligente. Mes questions, tafadlal. Je ne sais pas s'il y a de différence entre Hotmail FR et Hotmail.com. Je ne sais pas s'il y a de différence. Wallahu a'lam. Si. Ah, d'accord. Alors c'est Nam. Alors c'est com. Nam. C'est com. Ce n'est pas Nam. Je ne savais pas moi. Ça. Mes questions, tafadlal. Je t'ai donné la question, tafadlal. Mes questions. Est-ce que tu es bloqué ou là il se passe quelque chose? Je t'ai enlevé la roche, je t'ai donné le micro et j'attends ta question ou là j'attends ça. Walaikum salam. Une sœur a délouché depuis un mois et demi environ. Le sang s'est arrêté de couler, mais il a repris un tout petit peu le lendemain. Puis le sang s'arrête de couler pendant 2 jours et s'en recouvre un tout petit peu. Est-ce que la sœur doit commencer comme à prier ou est-ce encore délouché vu qu'elle n'a pas encore atteint 40 jours? Barakallahu fikoum. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Une sœur a délouché. Délouché, c'est l'akhara, c'est le wasmo. C'est quand elle accouche, ça. Dites-moi si nifas, barakallahu fik, sah, sah nifas, nan. Une sœur, nous fait ça depuis un mois, ça fait 30 jours, sah, et demi environ. Le sang s'est arrêté de couler, puis il a repris un tout petit peu. Puis le lendemain, le sang s'est arrêté de couler pendant le jour, son recoule un tout petit peu. Que, nan, la femme ne doit pas commencer à prier. Celle-là ne doit pas commencer à prier, c'est pas jusqu'à ce qu'elle atteigne 40 jours. Mais jusqu'à ce que le sang arrête complètement et qu'elle voit le liquide blanc, si elle est du genre à avoir le liquide blanc. Les femmes, quand elles ont les menstrues ou les lochies, se divisent en deux sortes. Il y a des femmes qui, lorsque leur menstrue se termine, et les lochies aussi, la même chose, elles ont un liquide blanc qui sort. Ce liquide blanc, il est le délil, le signe de sa purification. Quand une femme a le liquide blanc qui sort, après les règles, etc., c'est là, jamais elle ne dit je suis pure jusqu'au moment où elle voit le liquide blanc. C'est la même chose pour cette femme. Si elle a le liquide blanc, elle attend le liquide blanc pourvu que elle dépasse pas les 40 jours. Si le 40e jour, le liquide blanc ne sort pas, elle doit se laver, se purifier, se laver et commencer à faire la prière. Ça, c'est la première sorte. La deuxième sorte, des femmes qui n'ont pas le liquide blanc, celle-là, c'est la sécheresse. Quand elles trouvent que c'est sec, leurs habitudes, c'est elles n'ont pas le liquide blanc. Dès qu'elles voient qu'elles sont sèches, khalas, l'endroit est sec après les menstrues, celle-là, c'est ça le délil qu'elle a été purifiée. La même chose ici, pour cette femme, si elle n'a pas le liquide blanc et elle voit qu'elle est sèche, khalas, elle commence à faire la prière, mais il ne faut pas qu'elle dépasse les 40 jours. Donc aussi, ça fait beaucoup de femmes cela à cause de la pilule. Non, la pilule, elle fait des machakels. La pilule, elle fait des problèmes et elle dérègle, hein, elle donne ça après 2-3 jours, après arrière, après ça. La pilule, bien sûr, elle donne aussi des machakels. Wallahu ta'ala alam. Salam. Tafadhal barakallahu fik. Walaikum salam, j'ai récemment acheté un livre intitulé Manazil Sahirin, le sentier des itinérants en français, de Cheikh Ibn Qayyim rahimahullah. J'attends inchallah ta question. Quand tu termines, tu m'écris numéro 1. J'ai appris récemment que le Cheikh Ibn Qayyim était de tendance soufie avant de connaître le Cheikh Ibn Taymiyyah. Je crains que ce livre en question ait été écrit à cette période de sa vie, car il parle à plusieurs reprises de maître spirituel. Je veux savoir si vous connaissez ce livre. Naam. J'ai lu la plupart, Inch'Allah Ta'ala, j'ai lu la plupart des livres d'Ibn Qayyim. Mais celui-là, il ne me vient pas maintenant en ma tête. Il ne vient pas, je ne vois pas exactement. Est-ce que tu parles de... J'ai peur que tu parles de Madarij Salikin. J'ai peur parce que ce livre, il ne me vient pas maintenant de... Je ne vois pas exactement c'est quoi ce livre. Mais je voudrais te dire que tu sais que Ibn Qayyim, par exemple, quand il a écrit le livre qui s'appelle Ruh, il a eu à l'intérieur des choses, yani, qui ne sont pas très vraies. Yani, c'est pour ça que les ulama ne le blâment pas, ils disent c'est celui-là. Les ulama ne le blâment pas, ils disent c'est quoi? Ils disent c'est il était nouveau, etc. Il n'avait pas encore côtoyé Cheikh l'Islam, etc. Et c'était plein de soufis à cette époque-là. C'est pour ça que si tu lis par exemple Madarij Salikin de Cheikh Ibn Qayyim, yani, tu vas sentir yani, un peu cette tendance vers yani, de le spirituel, etc. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un yani, qui a fait le tahqiq de ce livre. Des fois, il rend le kalam de Ibn Qayyim. Il dit non, c'est pas comme ça. Non, ceci c'est pas vrai. Non, ceci cela. Pourquoi? Peut-être qu'il a écrit ce livre dans ses débuts. Il a écrit ce livre dans ses débuts. Car Ibn Qayyim, comme tu dois savoir, il est très inspiré au début. Ensuite, quand il a connu Cheikh l'Islam, rahmatullah, il l'a côtoyé, il l'a beaucoup aimé, il est devenu l'un de ses meilleurs adeptes, et il a laissé l'autre chemin. Il est devenu ce qu'on appelle un Ahl al-Ilm min Salafiyya. Allahu ta'ala alam. Mais ce livre-là, le titre que tu as cité, je ne le vois pas bien entre mes yeux. Et inshallah ta'ala, khalliha le titre, laisse-le ici, inshallah ta'ala. Je vais le. Je tiens à m'excuser pour plusieurs fois, je lève la main. J'ai pas pu poser des questions, c'était mon tour, j'ai eu des problèmes, et à chaque fois. Ah, ma fille mouchkira, inshallah ta'ala, ma fille mouchkira, ma fille mouchkira. Madari Salikin, voilà, Madari Salikin, voilà, il parle de celui-là, ça. Madari Salikin. Non, celui-là, Madari Salikin, si tu sais bien lire, tu sais lire entre les phrases, etc., et tu as des bases, c'est un livre qui est bien pour quelqu'un qui voudrait oublier un peu ce monde, etc. Mais le Cheikh, car Ibn Qayyim a expliqué un livre du Cheikh, d'un Cheikh. Ce Cheikh, c'était vraiment quelqu'un de soufi, si on peut dire. Non, ce Cheikh, c'était quelqu'un vraiment de soufi. Il parlait avec des remous. Non, il parlait avec des remous, avec des signes. Cheikh, c'est pour ça que Ibn Qayyim a essayé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ces signes, etc. Des fois, il a eu raison, des fois, il a eu tort. Wallahu ta'ala alam. Non. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك مسلم كولا تفضل بارك الله فيك جزاك الله خير سلفي بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته une sœur m'a confié qu'elle faisait zina régulièrement dans une période où elle faisait la prière en sachant que c'était très grave la hawla wa la quwwata illa billah Allah al-musta'an j'ai des questions de sœur cheikh Omar Abdullah je t'ai oublié à chaque fois que À chaque fois que je donne un nom, pose une question d'une sœur. À chaque fois, non, j'oublie moi. À chaque fois que. Hatta j'ai cru qu'il n'y avait plus de questions. J'ai cru qu'il n'y avait plus de questions de sœur. À chaque fois que je donne à un frère, pose celle de la sœur, Inch'Allah. Elle vit dans un pays de mécréants, la charia n'est pas pratiquée, ses parents ne feraient pas d'accord si elle leur demandait de subir la charia. Non, quand tu termines, Inch'Allah ta'ala. Dis-moi, enfin elle regrette bien sûr profondément ce qu'elle a fait, elle veut faire te boire, elle voudrait savoir. Elle doit aller dans le pays islamique pour appliquer la loi islamique, sachant qu'il n'y a une personne. Muslim Kola, elle veut aller dans un pays islamique pour appliquer la loi islamique, c'est-à-dire que pour la faire fouetter, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle veut aller là-bas pour être fouettée? Dis-moi si c'est oui, écris-moi un. Naam. Est-ce que cette sœur, moi je vais te répondre, toi tu vas lui dire la réponse, Inch'Allah ta'ala, tu vas. Naam. Tu dis, naam. Tu dis à cette sœur, Inch'Allah ta'ala, que le fait, elle est dans la salle. Naam, elle est dans la salle. Marhaban biha. Moi je pars directement à la sœur puisqu'elle est dans la salle. Je lui dis ma sœur, je te dis ma sœur, le fait. Que tu aies fait le repentir et que tu as peur et que tu voudrais aller dans un pays pour appliquer la charia, c'est déjà ce qu'on appelle la grande Touba. C'est celle-là, la grande Touba. Je voudrais là te dire que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés. En islam, tu fais tous les péchés du monde. Mais tu reviens vers Allah avant de mourir, c'est tout. Allah Azza wa Jalla les annule comme si elles n'ont jamais existé. Et pire encore, s'il voit que quelqu'un a fait un vrai repentir, il va trouver toutes les choses mal qu'il a fait ici, les péchés, il va les trouver demain, il va les trouver des hasanat. Il va les trouver des hasanat. Il n'y a qu'une seule chose que Allah Azza wa Jalla n'aime pas, c'est que quand on meurt associateur avec le grand shirk, ou bien on meurt avec les grands péchés de la zina, etc. On n'a pas fait le repentir. Ça aussi c'est difficile, mais ce n'est pas difficile comme le shirk. Car quand on meurt avec le shirk, on va éternellement en enfer. Et quand on meurt avec la zina, etc., on est dans mashi'at Allah. On est dans la volonté de Allah Azza wa Jalla. Il fait comme il veut. Et moi, je voulais te dire que le fait déjà que tu aies fait le repentir, déjà, tu remercies Allah Azza wa Jalla qui t'a aidé à faire le repentir. Et, alhamdoulilah, tu détestes maintenant cette chose et tu la fais plus. Maintenant, si vraiment tu es sincère, et que tu vas plus la refaire, et que tu as juré à Allah subhanahu wa ta'ala que jamais tu vas refaire cette chose, et que tu es vraiment, yani, tu as vraiment regretté, Allah Azza wa Jal va l'annuler comme si tu n'avais rien fait dans ta vie. C'est pour ça que, il n'est pas conseillé d'aller chercher quelqu'un et lui dire applique la charia sur moi. Même si tu étais par exemple en Arabie Saoudite où on applique cette chose, il n'est pas conseillé d'aller et de dire. Car le prophète alayhi sallam a dit, quiconque fait ces choses, qu'il laisse ça entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il vienne pas nous dire j'ai fait ceci et cela. Il a dit, faites la tawba entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la peine d'aller, quand on est dans un pays islamique, de faire la zina et d'aller chez le gouvernant et lui dire, souhaite-moi, comme a fait le Ramidiya ou comme a fait la femme avec qui Maïs a fait. C'est pas la peine. Tu fais le repentir entre toi, Allah Zawajal, et au maximum, tu ne parles à personne. Tu ne dis à personne, voilà ce que je faisais autrefois, et j'ai fait la touba, etc. Tu laisses ça entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour que tu sois plus sûr de ce que je dis, écoute ce hadith de Bukhari, qui est dans le Sahih Bukhari. Une femme de joie. Ce que ça veut dire, une femme de joie, c'est une femme qui se vendait. C'est ça son travail. Elle a une maison, autrefois ils avaient un drapeau, comme ça, qui sort de la maison. Quand on voit le drapeau, ils pensaient que c'est une maison de zina. Donc une femme qui faisait cela du matin au soir, et avec de l'argent en plus, voilà un drapeau rouge, elle faisait cela du matin au soir. Celle-là, elle était une fois en train de marcher, elle avait soif, beaucoup soif. Celle-là, elle est arrivée dans un puits, elle est descendue, ensuite elle a rempli ses souliers, elle n'avait pas où mettre l'eau. Elle a bu, quand elle a terminé de boire, elle a vu quoi? Elle a vu un chien assis, en train de lécher la terre, tellement il avait soif. Le chien ne peut pas boire. Le chien, est-ce qu'il peut descendre dans le puits? Il ne peut pas. Elle l'a vu en train de lécher la terre comme ça, yani un peu humide, tellement il avait soif. Elle s'est dit, celui-là, il a soif comme j'avais soif tout à l'heure. Ensuite, elle a pris son soulier, elle est descendue la deuxième fois, elle l'a rempli, elle a donné au chien à boire. Le prophète a.s.w. a dit, fa shakara Allahu laha, fa ghafara Allahu laha. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il a dit, cette femme de joie qui fait la zina du matin au soir, puisqu'elle a donné à ce chien à boire, hein, rahimato, aujourd'hui moi je lui pardonne, et il lui a tout pardonné. Alors imagine, qu'est-ce que tu es toi par rapport à cette femme qui faisait ça du matin au soir. Du matin au soir elle se vendait, toi tu le faisais de temps en temps, et Allah Azza lui a pardonné, et elle sera, inchallah, parmi peut-être les meilleurs dans le paradis. Alors qu'en est-il toi? Tu as fait une faute que tout le monde fait, que beaucoup de gens font. Et maintenant, inchallah ta'ala, il faut que tu saches une chose, Allah Azza wa Jal, bi'idhnillah ta'ala, si tu as fait le repentir sincère, il t'a tout pardonné. Mais il faut prouver que tu ne vas plus revenir. Maintenant, si tu fais une autre fois et tu te trompes, ça veut dire que ce sera très grave pour toi. Parce que Allah Azza wa Jal, quand il pardonne à quelqu'un, ensuite il le voit revenir dans la même chose, Allah Souna, il devient très en colère contre lui, parce que il se dit, celui-là est en train de jouer, celui-là il n'a pas connu, comme on dit, ma vraie valeur, il est en train de jouer. Donc toi, fais le repentir, oublie tout, ne cherche pas quelqu'un qui applique sur toi, c'est pas de la sunna, et que Allah Azza wa Jal t'ouvre les portes du paradis, tu seras inshallah demain parmi les meilleurs là-bas, inshallah ta'ala. Et Fadli, qu'est-ce qu'il y a une autre question, inshallah ta'ala? C'est une fille qui a posé, c'est une soeur qui a posé. On a de là ensuite la mort. La mort viendra te chercher. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Il nous fait peur, la mort viendra te chercher. Jazakallah, comme ça on ne va pas oublier, Inch'Allah. Ta'ala. On a de là dit, salam à 57, alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que le fait d'être angoissé est un manquement dans la aqidah et notamment dans le tawakkul? Le fait d'être angoissé, il nous arrive à tous, Ur Salama, le fait d'être angoissé, il nous arrive à tous. Mais Mais la différence entre quelqu'un qui est pieux et qui n'est pas pieux, c'est que le pieux, alhamdoulillah, très très vite, il fait éloigner cette angoisse. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. L'Azawajal a dit, n'est-ce pas avec dhikr Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs deviennent yani, s'étendent, etc. et deviennent munchari'in. Donc toi, inshallah ta'ala, tu fais beaucoup de istighfar et dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te dis que, en fin de compte, ce qui s'est passé, la chose qui m'a angoissé, en fin de compte, c'est quelque chose de ce bas monde. C'est quelque chose qui ne vaut rien. Naam, tu te tranquillises en lisant beaucoup le Coran, en faisant beaucoup l'ad'iya. Dis beaucoup, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des problèmes, qu'est-ce qu'il disait? Allahu Allahu Rabbi, la sharika lah. Allahu Allahu Rabbi, la sharika lah. Dis beaucoup ce doigt. Dis beaucoup l'autre doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque musulman doit apprendre ce doigt. Chacun, quiconque a des problèmes, il doit apprendre ce doigt. Lequel? Pardon, je vois comment il commence. Allahumma inni abduk, bnu abdik, bnu amatik. Nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin sammayta bihi nafsak. Aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalqik. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي. Celui-là, c'est un dua que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, quiconque musulman doit apprendre ce dua. Pourquoi? Dès qu'on le dit, quand on est angoissé, etc., peut-être un quart d'heure après ou là, on sent qu'on n'a rien. Et puis, tu peux faire par exemple comme ça deux rak'at de prière et demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever cette angoisse de toi. Il l'enlèvera, inshallah ta'ala. C'est une chose qui arrive à tout le monde. Une chose qui arrive à tout le monde, mais les pieux, inshallah ta'ala, essayent de l'éloigner avec dhikr Allah ou l'istighfar et des choses pareilles, inshallah ta'ala. Allah ta'ala alam, atfad la mort viendra. Naam. Alaykoum salam, je voudrais savoir pour le vinaigre, l'alcool et d'autres. Certains disent que c'est permis, d'autres que non, qu'en est-il exactement, barakallahu fikoum. Naam, cette mouchkila, nous aussi on l'a vécu. On l'a vécu en Algérie, le vinaigre, ils ont dit qu'il contient de l'alcool, ensuite ils ont dit que le fromage rouge est interdit, ensuite à chaque fois, tous les 15 jours, tous les mois, il y a quelque chose qui sont interdites. Mal asr. Moi je voudrais te dire que dans ce cas, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, da ma yaribuk ila ma yaribuk. C'est-à-dire, quand tu doutes de quelque chose, tu doutes de ce vinaigre, tu dis les ulama ont dit ceci, cela, je ne sais pas où est la vérité. C'est comme je fais moi. Achète le vinaigre qui s'appelle le vinaigre de citron. Celui-là, tu le connais, il est blanc. Il est comme le lait blanc. Tu n'as ensuite aucun doute. Quand tu le mets, inshallah ta'ala, tu n'as aucun doute dans quoi? Dans ton cœur. Prends le vinaigre du citron, inshallah ta'ala. Quoique l'autre vinaigre qui est rouge, etc., moi je dis pas qu'il est interdit. Moi je le mets dans la salade, etc. Mais je te dis, si tu veux, inshallah ta'ala, sortir des mashakil, c'est qu'il y a des gens qui, s'ils font des choses, ils vont pas dormir, ils vont avoir des pincements dans le cœur. Yani, sort de tous les problèmes, va acheter le vinaigre qui s'appelle vinaigre de citron. Il est blanc, très connu. Parce que dans cette chose-là, il n'y a pas quelque chose de très solide. Est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal? Ils ont beaucoup parlé, ils ont divergé. Wallahu ta'ala alam, moi je marche avec c'est halal, jusqu'à preuve du contraire, inshallah ta'ala. Est-ce qu'il y a une question d'une sœur, inshallah ta'ala? Est-ce qu'il y a une sœur, parce que le temps est terminé, est-ce qu'il y a une sœur? Sakina 32. On peut lire le livre, l'histoire des prophètes de l'imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir, traduit par Noura Sha'ban Ishaq, car on m'a dit que c'est un juif qui avait traduit. Voilà, Tamallah il a dit qu'il a un lien sur le vinaigre. Il y a un lien sur le vinaigre. Je voudrais bien que vous lisiez qu'est-ce qu'il y a dans ce lien, Inch'Allah Ta'ala. Et en ce qui concerne le livre Sakina, je ne sais pas. Ce livre, c'est la première fois que j'entends parler. Je ne sais pas qui l'a traduit. Si c'est un juif, bien sûr, il faut pas le lire. Si c'est un juif, il faut pas, bien sûr, lire ce livre, parce que les juifs, ils sont connus. C'est les tueurs des prophètes. Et c'est Annie le, hein, c'est pas la peine de parler de maintenant. Donc ils vont le remplir de mensonges, ils vont le remplir de, parce que les juifs ma'al asaf, les tueurs de prophètes, on dit même que les prophètes ont fait la zina, ou l'ayadu billah. Il est dit que chez eux, ou l'ayadu billah, ils disent que même il y a des prophètes qui ont fait la zina avec leurs filles même, c'est pas avec des femmes, avec les filles même, leurs filles même, ou l'ayadu billah. C'est pour ça que Inch'Allah ta'ala, ne le lit pas si c'est un juif qui l'a écrit. Si c'est un juif qui l'a écrit, ne le lit pas, Inch'Allah ta'ala. Abdul Muslim, tafadhal. Cheikh, voilà, je vais travailler dans une usine de maquillage. J'aimerais savoir si l'argent de ce travail est halal. L'argent de ce travail, Inch'Allah ta'ala, est haram. L'argent de ce travail est, Inch'Allah ta'ala, haram. Pourquoi ? Parce que vous construisez le maquillage, et le maquillage, la femme va le mettre pour sortir dans la rue et pour plaire aux gens, pour plaire aux hommes. Donc toi, sans le vouloir, tu vas aider les femmes et les hommes à ce qu'ils fassent le munkar. Bien sûr, moi, si je vends le maquillage n'est pas interdit. Un magasin où je vends le maquillage, ça veut dire comment ? Ça veut dire je vends le maquillage à seulement la femme que je connais. Donc c'est halal, mais c'est très difficile. Je vends seulement à celle qui, je sais, va le mettre à la maison pour son mari ou bien avec les femmes. Donc c'est très difficile de trouver cela. Parce que 95% des femmes vont le mettre dans la rue. Naam, c'est ce que je te dis, Abdul Muslim. Toi, il y a 5% des femmes qui vont le mettre pour leur mari et 95% vont le mettre dans la rue. Donc soit à cause des 95% qu'ils vont mettre dans la rue, tu ne le vends pas. C'est pour cela qu'on ne doit pas, si tu travailles dans une usine pareille, il faut essayer donc de quoi ? Il faut essayer de changer de travail. Il faut essayer de chercher à droite, à gauche, pour que Allah Azzawajal t'ouvre les portes. Pourquoi ? Parce que le maquillage, la plupart des femmes le mettent dans la rue et non pas dans la maison. Si elles le mettent dans la maison, elles ont un ajr. Elles ont un ajr parce qu'elles l'ont fait à cause de leur mari. Mais le problème, c'est qu'elles le mettent dans la rue. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa la ta'awanu al-ithmi wal-udwan. N'aidez pas en des choses qui yani font rentrer, me rendent yani en colère pour Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a une sœur ensuite un akh et on arrête? Est-ce qu'il y a une sœur? Il y a une âme, pose la question, et la sœur ou l'akh, vous préparez, vous écrivez avec Ibn Taymiyyah Hotmail, parce que quand je vais fermer, je laisse ça en dernier pour que les gens envoient leurs questions. Abdullah, Shuraib 2. Je souhaiterais savoir quelle est la priorité entre faire le Hajj ou faire la Hijra. Barakallahu fikum, hayakumullah. Astaghfirullah wa tawbah. En ce qui concerne la réponse, Inch'Allah ta'ala, si le Hajj est prêt devant toi, le Hajj, khlas, c'est dans un mois ou là dans deux mois, commence Inch'Allah par lui et fais la Hijra. Mais si les lois, c'est dans 5 mois ou là, dans 6 mois ou là, et que la hijra, je peux la faire maintenant, commence par la hijra, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Commence par la hijra. Donc tu vois, celui qui est le plus près. C'est le hajj, khlas, il est plus près. C'est dans un mois ou là, inscris-toi et va au hajj. Dès que tu reviens, tu vas, inshallah, à la hijra. Mais s'il est un peu loin, commence par la hijra, inshallah ta'ala, si elle t'est facile de la faire. Wallahu ta'ala alam. Mimonte 33. Mon père a fait me marier à un homme pieux et il n'y a pas de juge musulman en France, que dois-je faire? Mon père a refusé de me marier à un homme pieux, il n'y a pas de juge musulman en France, que dois-je faire? Je voudrais savoir d'abord, est-ce que a refusé de me marier, donc est-ce que tu t'es marié ou tu t'es pas marié à cet homme pieux, pardon, à cet homme qui n'est pas pieux? Mon père a vu l'origine de cet homme. Naam, si t'es pas marié, naam, alhamdoulilah, il a refusé à cause de l'origine. L'origine, par exemple, disons c'est un arabe ou là c'est un berbère ou là, c'est ce que tu veux dire ça, à cause de ces, il vient de telle race. C'est ce que tu veux dire ça? Dis-moi oui si c'est ça. Naam, c'est ce que tu dois faire, les mots 33. Naam, quand ton père veut te marier de force avec quelqu'un qui n'est pas pieux, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas, c'est pas ton père qui va vivre avec lui. Et quand on se marie avec quelqu'un qui n'est pas pieux, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il va faire des problèmes, parce que peut-être il va boire, peut-être il va suivre les femmes, il va passer sa journée dans les bars, il va, je ne sais pas ce qu'il va faire toute la journée. C'est pour ça que plus on se marie avec quelqu'un qui est pieux, plus on a déjà le cœur qui est tranquille dans plusieurs domaines. On est sûr qu'il ne fait pas la zina, on est sûr qu'il n'est pas avec une autre femme, on est sûr qu'il n'est pas au bar, on est sûr qu'il n'est... Yani, alhamdoulillah, hamdan kathiran mubarakin fih. C'est pour ça que ne te marie qu'avec un pieux, inshallah ta'ala. S'ils te disent de force, tu dis non, je n'accepte pas, et ils ne peuvent pas te prendre, pardon, te mettre les chaînes sur les mains et les pieds et te rentrer dans la chambre et de rentrer l'homme. Ils ne peuvent pas faire cela. Jamais. Et toi, tu ne le laisseras jamais. Donc, tu leur diras, il faut avoir une personnalité. Hein. Je parle, moi, des parents, il faut les aimer, il faut les obéir, etc. Mais quand c'est quelque chose que l'Azul n'aime pas ou là son prophète, il faut montrer qu'on est contre. Tout en obéissant à mon père, je lui obéis, je l'aime, je le respecte, mais je dis mon mot. Ah, pardon mon père, mais l'Azul n'aime pas cela. Pardon mon père, mais il y a un hadith qui dit cela. Comme ça, gentiment, même en souriant avec lui. Pardon mon père, si tu ne me crois pas, viens, on va chez l'imam. Il y a une mosquée qui n'est pas loin ici. Si l'imam, bien sûr, entre parenthèses, l'imam doit être imam sunni, hein, pas l'imam s'il est sunni, on va aller. S'il dit que tu as raison, là j'accepte. Donc ne te marie jamais, il n'accepte ni à ton père, ni à ton grand-père, ni à tes grands-pères, qu'il te marie avec quelqu'un qui n'est pas pieux ou là, quelqu'un que tu ne veux pas. Il y a des parents qui, dernière minute, il dit à la fille, khlas, prépare-toi, inshallah, dans 15 jours, je t'ai donné à X, khlas. Non, tu lui dis pardon. Qui est-ce qui t'a dit que j'accepte ce X? C'est moi qui vais me marier, je vais rester 40 ans ou 50 ans avec lui. On est toute la nuit ensemble, c'est pas toi. Pardon, qui t'a dit que celui-là me plaît ou là il a des conditions? Il faudrait d'abord que je voie et que je vois quel est son caractère, quelle est sa religion, quelle est sa culture, quelle est... C'est pas, je suis pas une vache, moi, on me vend dans le marché sans que je sache. La vache, on la vend. Elle sait pas, ensuite on la guide. On la donne à un autre, il la prend, il la met sur le camion et il part à la ferme. Non, je suis pas une vache. Barakallahu fik. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ousmane Idias, tu écris l'adresse, barakallahu fik, toi ou la Zinjabila. Tu écris, inshallah ta'ala, parce que le temps est arrivé. Il reste encore 5, mais si je leur donne, ça va venir le 6e, le 7e, le 8e, le 9e. Je sais que ça va pas s'arrêter, mais on essaie. Chauffe, il y a Abu Abdrahman, Abu Mouad, Electro, Abu Mouad, Abu Shayma ou Moumin, là. Abu Mouad, salam alaykoum, akhi. Naissance d'El Hassan, 624. Mort en 77. Hussein, 626, 680. Jazakallahu khayran, barakallahu fik. J'espère que la sœur est avec nous. J'ai oublié comment qu'elle s'appelait. Je crois qu'elle s'appelait Khadija, je crois. Si je ne me suis pas trompé. Vous lisez ici. Vous lisez. Al-Hassan, radiallahu ta'ala, est né en 624. Il est mort en 670. Ce qui nous intéresse, il est né en 624. Et l'autre, Al-Hussein, il est né en 626. Donc, quand je vous ai dit, il y a une année de différence. En fait, il y avait deux années de différence entre les deux. Naam, c'est Oum Safiya. Naam, Oum Safiya, voilà, le premier est né en 624 et l'autre est né en 626. Donc, ceux qui disent que ce sont des jumeaux, ils se disent, pourquoi aller loin? Moi-même, ça fait 15 ou 20 ans, je croyais que c'était des jumeaux. Tellement les gens disaient Hussein, j'ai cru que c'était des jumeaux. Ensuite, quand j'ai lu, je me dis, subhanallah al-azim, ce ne sont pas des jumeaux, il y a une année ou la deux de différence entre eux, inshallah ta'ala. Vous voulez pas écrire, vous avez écrit Oum Abdullah Ibn Taymiyyah. Bon, je le reprends Adana pour ce Inch'Allah Ta'ala à qui j'ai pas répondu. Il m'envoie à l'email ici. Il m'envoie dans mon email. Je commence par répondre à leurs questions. Demain, Inch'Allah Ta'ala, ce sont eux les premiers. Et il y avait une sœur à laquelle j'avais dit que j'allais parler de les rites du mariage en islam. Ensuite, j'ai oublié tellement je suis pris. Ça, je m'excuse, c'est pour ça que j'ai oublié. Je n'ai pas parlé de ça, mais j'en parlerai, Inch'Allah. Alors ensuite, il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je ne sais pas qui ici, m'a envoyé, en ce qui concerne l'écrit, une cassette, en ce qui concerne l'écrit des gens qui sont, il y en a sous la terre, qu'on les entendait, etc. Il m'a dit que de Zindani qui a dit qu'on pouvait entendre. Il m'a dit voilà une cassette où il y a, on entend leur. Ils donnent des dalils, etc. etc. Moi je voudrais dire deux choses. Premièrement, j'ai essayé les deux liens, ils n'ont pas marché. Cette personne m'a envoyé deux liens. J'ai essayé les deux liens, ils n'ont pas marché. Deuxièmement, je voudrais pas. Yani, comment qu'on dit je dirais à mon frère, yani, franchement, wallah, ce dernier, j'ai pas beaucoup de temps pour écouter. Wallah, franchement, mon temps est très pris. J'ai pas beaucoup de temps pour écouter ce qu'il dit. Surtout, que je ne suis pas convaincu. Alors, si au moins j'étais un peu convaincu, allez, je vais écouter pour voir les délais. Maintenant, moi, franchement, yani, je ne suis vraiment pas convaincu que quelqu'un puisse écouter Adab al-Qabr. Ça ne rentre jamais dans ma tête. C'est pour ça que même si les liens avaient marché, j'aurais peut-être un peu entendu. Maintenant que les liens n'ont pas marché, Mohim, toi écoute, et si tu trouves des adillahs que tu veux suivre, Inch'Allah ta'ala, tu es libre. Barakallahu fik pour ce que tu as fait, les liens que tu m'as envoyés. Wa subhanakallahu wa bihamdik. Abu Abdurrahman a dit, salam alaikum, lors de la fin de ma prière, Anas, il n'y a rien à l'intérieur, tu veux mettre, mais il n'y a rien à l'intérieur. N'oublie pas de. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici, Abu Abdurrahman, ça, lors de la fin de la prière, j'ai eu un doute si j'avais l'eau d'eau ou non. Dois-je refaire la salat? Ahsan Allahu ilayk. Question très importante, quelqu'un dit lors de la fin de ma prière, j'ai eu un doute si j'avais l'eau d'eau ou non. Dois-je refaire la salat? Ahsan Allahu ilayk. Comment qu'on doit faire ici? On doit voir, est-ce que tu te rappelles d'avoir fait les ablutions auparavant ou pas? Ou bien, est-ce que tu te rappelles par exemple d'être allé aux toilettes ou pas? Maintenant, si tu te rappelles d'avoir fait les ablutions, alors si tu as un doute, ai-je les ablutions encore ou ne les ai-je pas, tu les as les ablutions. Pourquoi? Parce que l'yaqin la yazul bishak. Voilà, tu es sûr d'avoir fait les ablutions et tu doutes sur quoi? Tu doutes sur l'annulation. Donc on marche avec la base. La base, c'est-à-dire qu'on a les ablutions. Non, on marche sur la situation d'origine. On a les ablutions. Maintenant, si c'est le contraire, tu es sorti des toilettes, ensuite dans la salade, tu dis, j'ai fait les ablutions que j'ai passées, de toute façon, je me souviens d'être sorti des toilettes. Mais je doute sur les ablutions. Est-ce que je les ai fait ou pas? Là, tu marches, c'est comme si tu n'avais pas fait des ablutions. Tu marches sur la base. La base ici, c'est les toilettes. Je suis sûr d'être sorti de les toilettes. Et je doute sur les ablutions. C'est le contraire de la première, du premier cas. C'est pour ça, moi, je peux pas te répondre jusqu'à ce que tu te réponds à toi-même. Tu dis, c'est quoi la base par rapport à ton cas? C'est quoi la base? C'est les toilettes ou les ablutions? Si c'est les toilettes, donc, tu dois refaire la salade. Si la base, c'est les ablutions, tu refais pas la salat, Inch'Allah ta'ala. Et demain, Inch'Allah ta'ala, on se rencontrera pour demain. C'est quel jour d'abord? C'est quel jour demain, Inch'Allah ta'ala? Lundi. Demain, Inch'Allah ta'ala, on se rencontre comme, on se rencontre, Inch'Allah ta'ala, comme d'habitude, à 21h. Ou bien, demain, c'est lundi. On se rencontre, Inch'Allah, à 22h européenne. Et les autres, Inch'Allah, je vous répondrai par vous poser les questions, vous les envoyez au courrier et je réponds directement. Je commence avec vos questions, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.